Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je crois qu'on se connaît presque tous. Ceux qui viennent pour la première fois, on pourra leur en dire plus sur le CIRA après. Donc, dans le cadre de nos causeries presque mensuelles, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Antonini, qui nous vient de Lyon et qui a pris un bus et on n'a pas vu que c'était le week-end de la Pentecôte. J'ai pris quand même relativement tôt, 11h30. Hein. Ouais. Il y avait de la marge, mais ça va, tu es dans les temps, parce que on fait ce qu'on appelle le quart d'heure marseillais. Au dernier moment, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, en fait, ils sont plus dans le sud, peut-être qu'il y aura... Ouais, quand il y a du monde qui est là, on essaye de ne pas trop tarder, parce que les amis sont venus écouter, et ce n'est pas la peine de les faire poroter. Bref. Aujourd'hui, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur toi parce que j'ai googlisé, mais j'ai pas trouvé. Surtout qu'en plus, c'est exprès et en plus, tu as des homonymes qui font tout à fait autre chose. C'est assez drôle. Alors, il faut pas se tromper. Et donc, ce que je peux dire, c'est que le livre que tu as fait, c'est la deuxième édition de chez Nada. Le livre est de 2019, édité en 2022. Donc, tu vas nous dire ce qu'il a de plus. Bon, Nada, par contre, on les connaît bien, c'est les amis, et ils ont lancé une petite collection de livres vraiment intéressants, soit des rééditions de classiques, soit des nouveautés comme l'essai de Frédéric. Et puis, tu vas nous dire pourquoi tu t'intéresses à l'économie, parce que je ne sais pas, je ne m'as pas demandé ça au téléphone. À toi la parole. D'accord. Au départ, j'avais prévu de remonter un petit peu toute la genèse de ce livre. Je vais faire un petit peu plus court, d'une part à cause un peu du retard, et puis pour laisser plus de temps aux échanges après, parce que finalement, de mon point de vue, c'est ce qui m'intéresse le plus, et peut-être aussi pour vous, au-delà de la simple présentation de quelques éléments concernant ce livre. Ce sur quoi je vais m'arrêter beaucoup, c'est plutôt les grands choix que j'ai opérés et les objectifs que je me suis donné. Mais avant d'entamer un petit peu ces deux points, bon, je vais dire un petit peu qui je suis quand même en très court. Je suis tombé dans la marmite de l'anarchisme à 17 ans. Ça remonte à loin maintenant. Et je me suis assez rapidement... je me suis assez rapidement engagé. Donc 17 ans à l'époque, alors pour ceux qui ont plus ou moins mon âge ou qui sont un peu plus âgés, c'est l'époque du mouvement contre la loi de Vaquer en novembre-décembre 86. Voilà, et c'est dans la foulée de ce mouvement-là. Et pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'ils sont plus jeunes, c'est un mouvement étudiant, puis après un petit peu lycéen aussi. Moi, à l'époque, j'étais lycéen. Qui s'opposait à l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants. Et donc, c'était déjà vu à l'époque comme un début de barrière sélective. Et également, deuxième aspect, qui prévoyait davantage... C'est pareil. Ce mort, je prends le... Francis est en train de nous expliquer qu'il est sourd et que ça ne marche plus. Donc... Il prend le livre. Comment ça se fait? Parenthèse. Vibal. Je le prends. Tiens, prends-le. Francis. Il faut que je m'en souffle. Prends-le. Bah, c'est bien dommage. Je suis obligé de parler. Ah, oui, j'ai vu ça fabriquer des choses. Ouais. De Vaquer. Oui. Et qui avançait aussi, l'idée d'un début d'autonomisation des universités et notamment la possibilité de laisser la liberté aux facultés, aux universités, de faire leur propre diplôme. Comme quoi ça monte à, il y a super loin cette tendance à l'autonomisation qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on prône. Tombé dedans, je me suis mis à militer assez rapidement, donc je suis rentré dans une organisation politique libertaire et puis j'y suis pas resté trop longtemps, environ un an, et puis après j'ai adhéré à la CNT. Commençait depuis quelques années son développement. Alors du coup, j'ai traversé les scissions, notamment la grande scission entre le sucre et celle qu'on a appelée Vignoles, donc celle qui restait affiliée à l'AIT, et celle qui a dû en sortir. J'avais pris parti, parce que j'étais sur une optique un peu syndicaliste révolutionnaire, j'étais pour une syndicalisation et aussi pour un élargissement à tous ceux qui pouvaient se reconnaître dans les idées autogestionnaires. Voilà. Donc pas limiter ça exclusivement aux anarchistes. Jusque à peu près le milieu de la trentaine d'années, de ma trentaine d'années, pour lequel, bon, j'avoue clairement, en plus le terme maintenant il commence à sortir, j'ai fait un burn-out militant, c'est-à-dire que à force de m'être surinvesti, etc., pendant une quinzaine d'années, etc., là, on ne pouvait plus. Donc il y a eu toute une période de vide, et progressivement, j'ai commencé à me réintéresser un petit peu, etc., et notamment par le biais de l'écriture. Donc, comme j'avais posé déjà un certain nombre de petits jalons, c'est-à-dire que quand j'étais à la CNT, à un moment donné, j'avais été co-rédacteur et puis aussi coordinateur de la commission qui, à l'époque, avait élaboré une plateforme, la première d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres depuis, en tout cas, tout mon temps, je n'en ai pas vu d'autres, plateforme revendicative confédérale de la CNT, où on avait posé la réduction du temps de travail, l'élimination des industries d'armement, etc. Enfin, un certain nombre de choses. Ça a dû complètement passer à l'oubli. Puis, enfin, pas pour la CNT, mais cette plateforme en tant que telle. J'avais écrit quelques articles économiques aussi, notamment dans la revue de la CNT, qui déjà essayait d'envisager un petit peu ce que pourraient être certains aspects d'une économie libertaire, autogestionnaire, etc. Voilà. Donc, je suis revenu par ce côté-là. Et pourquoi plus l'économie ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, de par mes choix d'orientation, c'est le parcours globalement que j'ai suivi, universitaire. Enfin, j'ai fait de la science politique, mais aussi des sciences économiques. Je suis devenu enseignant, d'ailleurs, de sciences économiques et sociales, donc le choix du lycée. Et une deuxième raison, quand j'ai commencé à me remettre un peu dedans et à me dire, bon, voilà, je maîtrise quelques petites choses, très modestement, en quoi je pourrais... je ne voudrais pas que ça paraisse présomptueux. En quoi je pourrais en faire profiter mouvement libertaire. Je me suis dit, si je me mets, comme j'avais fait aussi un peu de science politique, si je me mets à écrire sur la question politique, l'État, etc., il y a déjà pas mal de choses. Au vu de justement du peu de choses qu'il y avait sur les écrits, on va dire, récents, et particulièrement en France, sur le domaine économique, dès lors qu'on dépasse la simple critique du capitalisme, etc., et qu'on se met à avoir une position pas seulement négative, mais constructive, je me suis dit, ben voilà, il y a peut-être ce domaine-là dans lequel, justement, je pourrais faire quelque chose qui puisse ensuite être discuté, amendé, peut-être même rejeté, mais enfin qui pose une première pierre pour relancer un peu le débat sur cette thématique. C'est d'ailleurs, je crois, ce qui n'a pas trompé les éditeurs NADA, puisque un des premiers échanges qu'on a eu, c'est de dire, bon, ben... on va le publier parce qu'il n'y a pas grand-chose écrit là-dessus. Quoi. Voilà. J'ai le souvenir depuis, j'ai été regarder le dernier... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat dans les organisations politiques libertaires, anarchistes, etc., en interne. Mais en externe, la dernière chose que j'ai trouvée, comme toi, tu as eu beaucoup de mal à me trouver en tant que tel, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui ressemblait à du débat public sur l'économie. Et la seule chose que j'ai trouvée, ça remonte à oui, moi, là, tu remontes très loin, mais moi je parle de débats relativement récents, quoi. Ça remonte à 2013, et c'est vous, le Cyrane Marcel, qui aviez organisé sur l'argent. Projet. Sur l'économie. J'ai même noté le truc. L'argent, non, c'était un truc bien plus large. Oui. C'était. Michel Sahuc, peut-être, qui a fait ça. Oui, exactement. Ouais. Voilà, je sais pas où je l'ai noté, mais exact. Je l'ai noté quelque part. Il avait fait quelle économie anarchiste, ouais. etc. Et voilà. Donc, pour dire que vraiment, c'est difficile d'arriver à trouver quelque chose. Je pense... aujourd'hui, je suis engagé, pas complètement dans le milieu libertaire. Je suis plutôt engagé, bon, je le dis clairement, au niveau des soulèvements de la Terre. Voilà. Je pense que c'est quelque chose d'important. Après, vous êtes critique ? Non, non je sais juste qu'il y a des gens qui sont critiques. Ah d'accord, ouais, on peut l'être, hein. Il n'y a rien de parfait de toute façon. Donc, maintenant, je voudrais indiquer un petit peu, on va dire, les lignes directrices que je me suis données dans l'écriture du livre. Alors, ça a été assez fastidieux, j'ai mis pas mal de temps à arriver à ce résultat-là, d'abord parce que... évidemment, je travaille, donc il faut arriver à trouver le temps, puis après, parce que vous avez une famille, des enfants, etc. Et tout. Bon, bref. Et puis j'étais parti dans une très mauvaise direction, sujet économie, mais au fur et à mesure que j'avançais, j'en voyais jamais la fin. C'était interminable, j'étais en train de pondre dans un truc, mais de plus en plus gros, etc. Exactement comme l'horizon, plus on se rapproche de l'horizon, plus on a l'impression qu'il s'éloigne. Hein, au bout de 2 ans, je me suis dit stop, arrête, il faut que tu vois les choses autrement, petite pause. Et c'est à ce moment-là que j'ai fixé les grandes lignes. Alors, des grandes lignes à la fois sur le fond et la forme. Alors, sur ce qui est de la forme, ma première intention, c'était d'écrire quelque chose de court, d'assez synthétique. Hein, on voit bien, il est relativement mince. Malgré toute l'amplitude du sujet, avec le souhait de rebuter le moins de lecteurs possible. On sait que, en tout cas, moi je suis confronté à des jeunes qui lisent de moins en moins, sinon qui ne lisent pas, parce qu'en plus j'ai, ou très très peu, un public de milieu populaire, voire très très populaire. Donc, faire quelque chose de court, je donne un contre-exemple, c'est depuis l'année dernière, j'ai découvert un auteur espagnol, je ne le connaissais pas sous cette facette-là, c'est Abraham Guillén, il est connu comme théoricien petit des guérillas latino-américaines, mais il a écrit aussi, parce que c'est un économiste, il a écrit aussi un certain nombre d'ouvrages entre les années 70 et 90 sur ce que pourrait être une économie libertaire, une économie autogestionnaire, et comme contre-exemple, même si c'est un contre-exemple anachronique, puisque je l'ai découvert que l'an dernier, alors que la première publication était en 2019. Alors, je le prononce peut-être mal. Economia Libertaria, 635 pages. Economia Autogestionaria, 500 pages. Socialismo Libertario, 555 pages. Et justement, il y a une dizaine de jours, j'étais au CIRA de Lausanne et j'ai pu discuter avec une personne qui me disait que, on va dire, il y a une vingtaine d'années, elle avait commencé à lire le livre et puis elle n'avait jamais pu terminer, quoi. Donc, pour moi, c'était, en présentation en tout cas, l'antithèse de faire un truc long. Deuxième intention de forme, peut-être une inspiration, en tout cas, purement formelle, de la Société du spectacle de Guy Debord. Et je me souviens, quand je l'avais lu, quand j'étais très jeune, c'était une succession de thèses, il y en avait plus de 220, de points paragraphes. La forme m'avait très surpris à l'époque, et puis j'avais trouvé ça assez original, et ça a dû remonter. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une succession de points, de paragraphes, qui puissent, en fait, aborder chacun une à deux idées. Du coup, par la même occasion, qui puisse être discuté en tant que tel, même si, évidemment, les idées et donc les paragraphes ne sont pas complètement indépendants les uns des autres, hein, puisqu'il y a quand même une continuité, un lien entre eux. Mais ça permet plus de se focaliser sur tel ou tel aspect. Je me suis dit que par un texte, on va dire, relativement continu, c'est plus difficile catégoriser, rendre relativement indépendant tel aspect plutôt que tel autre. Voilà, donc j'avais envie de le faire sous cette forme-là. Troisième aspect de forme, c'était de ne pas me contenter de recréer un imaginaire à partir de la situation d'aujourd'hui, de ce que pourrait être une économie libertaire, pas ultra lointaine, mais ça j'en reparlerai après, c'était de montrer en quoi il était possible d'envisager une économie libertaire qui soit presque à portée de main. Et donc pour ça, de m'appuyer sur le plus d'exemples possibles, en tout cas à ma connaissance, de choses qui existent déjà aujourd'hui, soit qui puissent illustrer clairement, pertinemment, un principe ou une règle de fonctionnement anarchiste en tant que tel, ou soit qui en soit pas très éloigné et qu'on puisse dire, bon ben voilà, s'il y avait cette petite chose ou cette petite chose encore, on pourrait en faire quelque chose de relativement intéressant. Et donc tout ça, je l'ai fait passer en note de bas de page. Voilà. Vraiment, l'objectif, c'était d'essayer de convaincre qu'une économie de type libertaire puisse être réalisable. Que c'était pas, on va dire, une pure utopie. Enfin, c'est une utopie au sens où, évidemment, ça n'existe pas encore, mais du moins, ce n'est pas quelque chose qui est complètement abracadabrantesque. Sur le fond, alors, j'avais là encore plusieurs souhaits aussi. En direction de deux types de publics. Le premier public anarchiste libertaire, pour la raison principale que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir que j'ai l'impression que depuis des années, la question économique a été laissée sur le bord de la route, alors même que, d'un point de vue, on va dire, historique, ce sont peut-être les anarchistes qui ont le plus innové dans les expériences qu'ils ont tentées à plus ou moins grande échelle de choses différentes. Quand on s'intéresse, c'est pas pour le critiquer, mais quand on s'intéresse au marxisme ou même à Marx, quand on voit comment il était relativement elliptique sur ses propositions, on va dire, de sociétés différentes, alors soit on prend la fin du manifeste communiste et on voit que les mesures, elles vont pas très loin, nationalisation des entreprises, etc., augmentation des impôts des plus riches, enfin j'en passe quelques-unes comme ça, ou alors c'est bon ben voilà, il y aura d'abord l'étape du socialisme ou d'une forme mineure de communisme, et ensuite le communisme plus élaboré, et ça sera, on va dire, l'égalité dans la liberté. Ouais, ben, nous on a eu le mérite non seulement de penser des choses assez radicalement différentes, parce qu'elles prenaient en compte vraiment et jusqu'au bout la question de la domination, et en tout cas de sa remise en cause, et aussi de le mettre concrètement, on va dire, en place. Hein. L'anti-modèle, c'est évidemment la révolution soviétique, avec finalement cette tentative d'instaurer un capitalisme d'État. Alors je sais bien que chez un certain nombre de marxistes, trotskistes, la notion de capitalisme d'État est relativement rejetée, pas tous. Mais enfin, Lénine lui-même, il a commis quelques écrits où il vantait le capitalisme d'État allemand. Donc, il y avait ce premier objectif en direction des libertaires, puis il y en avait un deuxième. Puisque justement, on a laissé de côté un peu tout ce qui est la réflexion sur la dimension, la thématique économique, eh bien, il me semble qu'on en est venu à adopter, parfois un petit peu à notre insu, mais un certain nombre de simplisme et faire pas mal de confusion concernant l'économie. Jusqu'à trouver parfois sur des sites qui sont anarcho-autonomes, je reprends cette terminologie un peu stupide, où on voit « abat l'économie », par exemple. Encore faut-il savoir ce que c'est que l'économie pour pouvoir dire « abat l'économie », parce que ça serait difficile de la supprimer. Mais sans aller jusque-là, un certain nombre de confusions sur lesquelles je vais revenir après avoir indiqué en direction de quel autre type de public je souhaitais m'adresser. Alors, ce deuxième autre type de... cet autre type de public, c'est évidemment les non-libertaires, avec ici la volonté de... Alors... sans doute vaine, puisque je serai loin d'être le premier et loin d'être le dernier à vouloir parvenir à diffuser l'idée que l'anarchie, c'est pas l'anomie, que c'est pas le désordre, c'est pas le chaos, c'est pas ceci, c'est pas cela, et qu'il y a un certain nombre de règles, toute la question est de savoir comment elles sont adoptées, ces règles-là et ces décisions, qui sont promues par les anarchistes, et que globalement, ça ne serait pas une société ni de désordre, ni de règne de la loi du plus fort, étant entendu que quand il y a le désordre, il y a souvent quelqu'un pour venir s'imposer derrière, ou quelqu'un ou plusieurs quelqu'un. Donc j'avais envie de chasser un certain nombre de préconçus, en tout cas d'aider à chasser un certain nombre de préconçus, et notamment en faveur d'un public, on va dire, un peu plus jeune, qui ne rentre pas nécessairement dans les catégories que, dans lesquelles nous-mêmes nous sommes inscrits, c'est-à-dire ces catégories où on sait ce que c'est qu'un anarchiste, on sait ce que c'est qu'un trotskiste, on sait ce que c'est qu'etc. Et pour le dire franchement, et je parle toujours uniquement du haut de ma toute petite expérience, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir une expérience différente de la mienne, je vois un certain nombre de jeunes qui s'engagent, mais alors les étiquettes, franchement, ils n'en tiennent plus compte. Donc, ce que j'avais envie de dire, pour ceux qui éventuellement rencontreraient cette étiquette, eh bien, voyez, ceux qui portent cette étiquette-là, libertaire, anarchiste, en fait, ils ont des idées, finalement, qui peuvent rejoindre une partie des vôtres qui sont relativement intuitives, ce fameux anarchisme diffus. Là-dessus... je ne sais pas si j'ai atteint ce public-là, étant entendu que la plupart des rencontres, réunions que je fais, c'est essentiellement des personnes que j'ai en face de moi, c'est essentiellement des libertaires, des honnards. Bon. Bien que le livre, il ait connu un relatif succès d'édition, puisqu'on en est à la deuxième, je ne sais pas si on en arrivera à une troisième, peut-être. Je ne sais pas si je le dis parce qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais normalement il devrait y avoir une édition Brésil, parce que j'avais été contacté par un militant du Brésil pour le traduire, etc. Et puis ça y est, la traduction a été faite, l'éditeur a donné l'accord, j'ai donné mon accord, ça devrait se faire, je ne sais pas, dans l'année à venir peut-être. Donc c'est bien intéressant aussi parce que ça va toucher des personnes qui ont un contexte de vie radicalement différent du nôtre en tant que pays en développement et connaissant des problématiques différentes. Ce qui fait d'ailleurs que dans la deuxième édition par rapport à la première, j'ai rajouté un certain nombre d'éléments complémentaires pour l'édition brésilienne, j'en ai encore rajouté d'autres éléments et j'ai notamment rajouté la question de ce qu'on appelle couramment les biens communs. Question de la terre, de l'eau, etc. Donc qui n'apparaît pas dans celui-là que... Si jamais il y a une troisième édition, du coup, j'intégrerai dans la troisième, mais qui sera en tout cas dans celle brésilienne, puisque la question de la terre est vraiment quelque chose d'important au Brésil. Je reviens un petit peu en arrière sur en direction du public anarchiste. Il y a un autre truc aussi que je visais. C'était à répondre. À cette idée que j'ai entendue, que, enfin, plusieurs fois, que vous avez peut-être aussi entendu, c'est qu'il faudrait même s'abstenir d'envisager, même de façon purement hypothétique, on va dire, le fonctionnement d'une société ou d'une économie libertaire, parce que finalement, il s'agirait de ne pas décider à la place des premiers concernés. C'est un discours qui se disait assez. Du côté du marxisme orthodoxe, qu'on entend aussi un petit peu du côté de l'autonomie, et qui me semble erroné. Alors, je ne vais pas aller chercher les ancêtres, que ce soit Kropotkin, y compris Malatesta, quand il est surtout sur la dernière partie de sa vie, où il demandait, aux militants italiens de rompre, d'ailleurs Berneri a suivi cette direction-là, rompre avec les simplismes en disant arrêtez de dire, dès qu'il y aura la révolution, pour abolir la monnaie, il n'y aura plus rien, les gens y verront, tout s'installera de merveille, il ne faut pas prévoir, il ne faut pas faire programme, etc. etc. Et dans cet esprit-là, moi, personnellement, je suis plutôt de ceux qui, et puis ça renvoie aussi un petit peu à ce que Macno et les exilés russo-ukrainiens, quand ils ont fui, quand ils ont été pourchassés par les bolcheviks et qu'ils ont dû fuir, pour ceux qui ont pu fuir, ont reproché au mouvement anarchiste, et notamment au mouvement anarchiste russe, c'est d'être capable de s'opposer, mais d'avoir pas beaucoup de propositions. ce qui était reproché aux anarchistes de Leningrad et de Moscou notamment. Dieu sait pourtant s'ils ont été super importants pour la révolution bolchevique. Bon, je ne vais pas tomber dans les anecdotes, mais pour ça, il faut voir Alexandre Skirda. Il est mort. Oui, mais enfin, c'est écrit. C'est écrit, parce qu'il en dit beaucoup. Ne serait-ce que le fait d'avoir pu préserver la prise du palais d'hiver, tout simplement, parce que c'est les anarchistes qui ont... Après, ah bah ça y est, je fais une digression. Je suis en train de dire que c'est eux qui sont pas tombés dans l'alcool parce qu'ils étaient anti-alcool. Alors que les troupes bolcheviques, quand ils ont pris le palais d'hiver, ils sont saoulés dans les caves du palais. Pour en revenir à ce que je disais, j'ai un petit trou. Bah, tu étais sur la plateforme, là, les exilés russes, tout ça. Voilà, sur l'idée que si on n'envisage pas un petit peu, tout en laissant la plus grande liberté possible, évidemment, à ceux qui seront chargés de construire et reconstruire la société, l'économie, dans un sens approprié à nos valeurs, quand on avance sans but, c'est la porte ouverte à tous les aventurismes et souvent, surtout dans les périodes de confusion, de révolution, etc., il y a toujours à un moment donné ou à un autre un besoin de sécurité parce que ça fait partie, je crois, de la manière dont nous, les humains, on fonctionne. On a aussi besoin de sécurité, pas forcément la manière dont les gouvernants la proposent et la mettent en œuvre, mais ça fait partie de la stabilité, on la recherche. Et dans les périodes révolutionnaires, il y a souvent, et ce à quoi ont été confrontés souvent d'ailleurs les révolutionnaires pour s'en plaindre, cette partie de reflux, on n'arrive pas à remplacer et à continuer à faire fonctionner la société et l'économie. Du coup, ben, les gens, ils se replient vers les solutions toutes faites qui sont généralement proposées par les autorités en disant « Nous, on a la solution, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, suivez-nous » et hop. Et c'est reparti, on a la contre-révolution qui prend de plus en plus d'importance et qui, dans toutes les situations historiques pour l'instant, l'a emporté, y compris même en URSS, puisque la manière dont sont comportés les bolcheviques, excusez-moi pour ceux qui sont un peu de tendance marxiste, je remets pas du tout en cause le marxisme en tant que tel, en tant qu'analyse profonde d'ailleurs du fonctionnement du capitalisme, mais en tout cas ce qui a été mis en œuvre, c'est aussi en tout cas ce qui a été mis en œuvre en URSS, c'est une forme de réaction, en tout cas c'est ce qui a été dénoncé par tel, par tous les anarchistes dans les années 1920-1930. Y aurait-il des questions ou des interventions ou des besoins de dire quelque chose? Alors, dans ce cas, je vais poursuivre un petit peu le deuxième temps. C'est de détailler un petit peu les simplismes. Alors là, on y est plus au niveau de l'implicite, c'est-à-dire de ce que j'avais je vais utiliser un anglicisme, un mot anglais tout court, en background, en arrière-scène. Et tous ces simplismes, je vais en évoquer quelques-uns avec vous. On pourra y revenir, je vais dire un petit peu les grandes lignes, et si vous voulez qu'on s'arrête sur un tel, on pourra faire ça dans l'échange. Si je commence par celui-là, assimiler le marché au capitalisme. Alors, si on s'intéresse à l'archéologie économique, ou même aux historiens type Braudel, Polanyi, on sait qu'il faut complètement disjoindre le marché et le capitalisme. Le capitalisme, on va dire, en tout cas en tant que système, est relativement récent, hein, plus ou moins le XVIe siècle sous sa forme commerciale, il faudra attendre le XVIIIe pour sa forme industrielle. Les relations marchandes, et ça nous amènera peut-être à définir ce que c'est que le marché, d'ailleurs je le glisserai juste après, les relations marchandes, on a des attestations qui remontent à... bien au-delà de l'Antiquité. Vous prenez, par exemple, la route de l'étain. Alors, la route de l'étain, elle part, on va dire, de l'actuelle Grande-Bretagne. Elle traversait la partie continentale, enfin, on appellerait aujourd'hui la France, etc. On en a retrouvé de l'étain, et on a testé que c'est bien de l'étain qui provient de Grande-Bretagne actuelle, au Moyen-Orient, avec des échanges. Et des échanges qui n'étaient pas du don. Je te donne contre quelque chose. D'accord ? On a aussi la route de l'ambre. Alors là, qui part de la Baltique, les côtes nord de l'Allemagne, on a retrouvé de l'ambre de la Baltique jusque dans des pyramides de Pharaon, 4e millénaire avant Jésus-Christ. Enfin, avant notre ère, pour ne pas dire Jésus-Christ. Les relations marchandes, le marché, alors souvent c'est peu défini. Prenons les choses toutes simples. Le marché, c'est au plus simple. Hein. C'est, on va dire, une relation d'échange de deux choses l'une contre l'autre qui est estimée de valeur équivalente par l'un et par l'autre des échangeurs. Vous prenez deux choses que, je ne sais pas moi, par exemple ma pochette et qu'on échange contre votre vue, on estime tous les deux que c'est d'une valeur relativement équivalente. Ben voilà, on est dans une relation marchande de type marché. Alors ça nous amène à nous dire, bon ben, si c'est ça, c'est quoi les marchés actuels? Parce que les marchés actuels, vous, moi non plus, on ne les souffre pas, quoi. Les marchés actuels, si je faisais une analogie, je dirais qu'on est plusieurs ici à avoir des jeans. Le marché, c'est un terme générique. On est plusieurs à avoir des jeans, comme, donc le marché, c'est comme un jeans. Et pour autant, le mien est bleu foncé. Là, c'est un bleu peut-être un peu plus clair. Très clair, un peu plus foncé. Là, c'est carrément un peu type gris, si je ne me trompe pas. Il y en a peut-être qui ont des jeans noirs. Ce qui veut dire que les marchés, en fait, le marché, ça n'existe pas. Il faudrait dire les marchés. Un générique et un économiste, il a d'ailleurs sorti un petit livre là-dessus pour dire qu'il faut cesser de dire le marché. C'est pas le marché, ce sont les marchés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est confronté au marché capitaliste. Et le marché capitaliste a un certain nombre de tares auxquelles il faut largement remédier et sur lesquelles celui-ci, on pourrait carrément abandonner. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise, c'est d'abandonner la forme marché actuelle. Revenir à ce que, je l'ai découvert là aussi plus tard, mais il y a un auteur anarchiste allemand qui, en ce moment, depuis quelques années, commence à être découvert, en tout cas en France. C'est, oh, comme je suis fatigué avec les plus de 5 heures de route. Comment il s'appelle Hétérodoxe, anarchiste hétérodoxe allemand, qui est mort en 1919. Landauer. Voilà, merci beaucoup. Qui c'est qu'il a dit Landauer? Gustave, oui, voilà. Et il parlait de marché social, pour dire que, vous voyez, on peut concevoir un marché qui soit différent. Même Polanyi, qui a énormément critiqué l'économie de marché, la société de marché, la remise en cause des marchés, lui qui était, on va dire, une forme de, c'est anachronique, on dirait de socialiste démocratique, ne remettait pas en cause l'idée des marchés non plus. Donc, quel type de relation marchande? Et aussi, on peut être en faveur de relations marchandes d'un certain type et en même temps dire ouais, mais il ne faut pas non plus que ces relations marchandes elles soient dominantes dans le fonctionnement économique de notre société, c'est-à-dire quelles limites aussi à ces relations marchandes. Non seulement on peut les amputer, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des traits qui disparaissent ou en tout cas qu'on refuse et qu'on ne veut pas voir apparaître et se développer, et en plus se dire il y a un certain nombre de domaines qui ne méritent pas de relever du marchand, quand bien même ce marchand-là serait pas du tout celui auquel on est confronté, celui qu'on a sous les yeux. Alors, deuxième type de confusion ou d'assimilation ou d'erreur, l'opposition entièrement fallacieuse entre l'État et le marché, puisque le marché moderne, donc le marché de type capitaliste, celui qui a été peu à peu mis en place à partir du XVIe siècle. Alors, concernant la terre, c'est, vous me dites si je fais référence à des exemples un peu trop oubliés. Le fameux mouvement des encloches, le fait de fermer les terrains, de casser les propriétés communes et les propriétés qui étaient privées, mais avec des droits au collectif, type par exemple, je possède un terrain, mais après ma première récolte, du fait que j'appartienne à une commune, à une communauté, eh bien, il y a le droit de glanage, qui existe encore en France. Hein. Par exemple, moi j'ai habité dans une région un peu au sud de Lyon, où c'est le lieu de la noix de Grenoble, Et le droit de glanage, eh bien, est autorisé à partir de décembre. Alors bon, au bout de décembre, en décembre, ce qui est embêtant, c'est que les écureuils et tous les animaux sont passés derrière, ils sont passés avant, donc il ne reste plus grand-chose en termes de noix à ramasser. Mais enfin, pour dire que ces vieux usages qui étaient extrêmement étendus, il y a eu une tentative de les éradiquer, bien qu'il en reste un peu des traces. Et ce mouvement-là, il y a eu aussi la création du marché du travail, création du salariat, l'extension des marchés de biens. Et c'est l'État qui a été en œuvre. Alors, toute la philosophie et le discours, voire la propagande libérale puis néolibérale, veut faire croire que le marché... C'est l'antithèse de l'État. Non, le marché ne pourrait pas exister sans l'État. Le marché, c'est un construit social. Le marché capitaliste est un construit politique. Et le néolibéralisme, d'ailleurs, on le voit bien, hein, quand on voit comment l'État intervient pour soutenir à fond les entreprises, pour les aider à créer de nouveaux marchés, pour les aider aussi à s'approprier des entreprises publiques, des services publics, pour tout d'un coup marchandiser des choses qui ne l'étaient pas complètement, ici. L'État est absolument nécessaire. Et en fait, on nous a vendu une fable. Dans la poursuite de ça, opposition entre marché-État, on a également l'opposition entre, finalement, le marché et la planification. C'est absolument pas du tout opposé. Je vais donner juste deux exemples. Au cours des Trente Glorieuses, donc la période des 26-28 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, et notamment en France sous l'impulsion, entre autres, de Gaulle et des gaullistes, mais aussi des communistes, même s'ils sont restés très peu longtemps au pouvoir, contrairement aux gaullistes, vous avez eu une mise en place d'une planification. Donc la question, c'est de se dire quel type de planification. C'était une planification indicative et incitative. C'est-à-dire, on essaye d'inciter des entreprises publiques, privées à produire un certain nombre de biens. C'est comme ça qu'on a eu peut-être un autre corps défendant les centrales nucléaires. On a eu aussi ce qui a été un relatif échec commercial, mais on a eu le Concorde. On a eu aussi, plus tard, sur la fin de la période de la planification, c'est-à-dire les débuts des années 80, puisqu'on commence à se convertir au néolibéralisme, on a eu le Minitel. Alors, ça ne parlera pas tellement aux jeunes, mais enfin, c'était un instrument un peu une antiquité. Rien que déjà, quand je montre un téléphone filaire, une photo de téléphone filaire à mes élèves, j'en ai certains qui me disent « c'est quoi ?» Mais bon... Donc on a eu de la planification, et alors même qu'on était une économie de marché. Mais je vais prendre l'exemple le plus extrême. On va prendre la planification soviétique. Eh bien, en URSS, on avait le marché. Eh oui, la planification autoritaire, centralisée, n'excluait pas le marché. Je vais vous indiquer dans quel domaine on retrouvait le marché, ou des relations marchandes. Premièrement, on avait les marchés gris ou noirs. Parce que comme il était difficile de se procurer un certain nombre de biens, eh bien, on essayait, et pas seulement les particuliers, parfois aussi même les entreprises, celles qui recevaient pourtant des consignes par le Gosplan d'avoir à réaliser telle production, etc. Eh bien, quand il manquait des pièces, ou ça, je parle des entreprises, ou alors pour des particuliers souhaiter obtenir quelque chose d'un tant soit peu différent de ce qui était fourni dans les magasins d'État, eh bien souvent on essayait de se procurer ces biens-là quand ils existaient par le marché noir ou par les marchés gris la corruption. À côté de ça, on avait aussi les marchés libres. Et oui, parce que les kolkhoziens, ceux qui vivaient dans les kolkhozes, ils avaient droit à un petit lopin de terre privé, en moyenne 0,4 hectares, et ce qui a pu d'ailleurs leur être un peu reproché, c'est de privilégier parfois leur petit lopin de terre privé plutôt que leur investissement dans le kolkhoz commun. Ce qui, kolkhoz, on a souvent dit que c'était des formes de coopératives agricoles, mais en fait pas tout à fait. En tout cas, c'était, on va dire, c'était moins communisant que les softkhoz. avec cette production, lorsqu'il y avait surplus, ils avaient le droit d'aller le vendre sur des marchés libres autorisés à des prix libres. Enfin, troisième forme de marché, alors c'est sûr, ça ne renvoie pas du tout au marché qu'on connaît là, mais c'est les relations marchandes qui existaient entre les entreprises qui s'étaient vues assigner un certain nombre d'objectifs par la planification. Pourquoi ? Parce que quand une entreprise produisait, par exemple, des clous, et que les clous devaient être ensuite utilisés par une autre entreprise, elles avaient Alors, ça a dépendu des périodes de planification. Mais il y a eu des périodes où les entreprises avaient tout à fait la possibilité de choisir à quelles entreprises elles allaient offrir leur production de clous. Et cette production de clous était évaluée, donc elles étaient vendues, ne serait-ce au moins que sur le papier, elles étaient vendues à un certain prix, qui n'était parfois pas du tout en rapport avec le coût de production, mais elles étaient vendues à un certain prix à l'entreprise qui avait besoin de ces clous-là pour ensuite réaliser sa production, de chaises, par exemple. Voilà. Et lorsqu'elle n'obtenait pas ses clous, ou alors parce que pendant longtemps, les objectifs ont été du l'ordre du quantitatif, exemple, vous avez tant de tonnes de clous à produire, et l'entreprise, pour pas trop se fatiguer, ou pour économiser ses moyens, à la fois matériels et humains, bah, produisait par exemple des clous de cette longueur-là, qui n'avaient aucune utilité ensuite dans le cadre de la production, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas du tout servir, par exemple, à fabriquer des chaises. Et voilà. C'était bien, ils avaient réalisé l'objectif du plan, ils avaient produit tant de tonnes de clous. Voilà. Et quatrième et dernier marché, un truc relativement peu connu, c'est le marché du travail. Lorsque vous quittiez une entreprise, alors je ne parle pas du tout des travailleurs agricoles, que ce soit dans les sovkhoz ou dans les kolkhoz, vous aviez une assignation presque à résidence, vous n'aviez pas le droit de quitter le sovkhoz, le kolkhoz, vous n'aviez pas le droit d'aller en ville, il vous fallait une autorisation pour circuler. Mais lorsque vous étiez un travailleur urbain, vous quittiez votre emploi ou éventuellement que l'entreprise se défaisait de vous, il vous fallait aller trouver un emploi. Et dans les rues, et notamment par exemple dans les rues de Moscou, il y avait des affiches. Telle entreprise recrute tant de personnes, etc. Et vous alliez vous présenter, et de la même manière qu'ici en Occident, dans notre monde capitaliste, on va passer des entretiens, etc. On est pris, pas pris, un niveau de salaire indiqué ou pas, etc., qu'on accepte ou non, ça se passait de la même façon en URSS. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en faveur de la planification que pour autant, ça exclut des relations au minimum de prix. Après, il y a la question de la liberté de l'offre et de la demande, mais ça, c'est autre chose encore. Si vous me permettez de continuer, dans encore un certain nombre de confusions, l'assimilation du marché à la monnaie, puisque le marché, je vous ai dit, les relations de marché, 4e millénaire avant Jésus-Christ, à peu près au même moment d'ailleurs que l'écriture, puisque c'est le 4e millénaire avant notre ère, la monnaie, elle est apparue environ au 2e millénaire avant notre ère seulement. Donc il y a 2 millénaires d'échanges marchands sans monnaie. Donc on peut tout à fait avoir des relations, y compris domination et d'exploitation, sans monnaie. Donc ceux qui disent on abolit la monnaie et puis d'un coup l'affaire elle est réglée, non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Tout dépend aussi de quel cadre on met à la monnaie ou à des échanges non monétaire, ce qu'on appelle le troc marchand. Il y a aussi un troc non marchand, et puis des formes beaucoup plus sociales, pour ceux qui ont fait un peu d'anthropologie ou d'ethnologie, vous avez dû entendre parler du don et contre-don aussi dans les multiples formes. Potlatch. Comment ? Potlatch. Exactement. Ouais. Ouais. La confusion entre monnaie et capitalisme, là d'autant plus, hein, deuxième millénaire, 16e siècle. L'assimilation, je vais faire un peu plus court, l'assimilation des relations marchandes au lucre. Le lucre, c'est assez récent. Et là, je lisais d'ailleurs dans le bus un anthropologue qui montrait que elles sont appelées à disparaître, ces sociétés dites primitives, puisqu'elles se sont toutes retrouvées confrontées à une forme d'occidentalisation, même si elles ne s'y sont pas pliées complètement, mais cette idée qu'on peut réaliser un échange de valeurs équivalentes sans pour autant chercher à s'enrichir dessus et le faire au détriment de la personne avec qui on est en train d'échanger. Donc on peut avoir des échanges marchands qui ne soient pas forcément des échanges lucratifs. Je te donne quelque chose contre ce que tu me donnes parce que finalement j'en ai pas besoin, j'en ai pas l'utilité et toi t'en as pas l'utilité non plus de ton truc. On se rend mutuellement service, on n'a pas besoin de chercher à profiter de l'autre en disant tiens allez je vais essayer de lui extorquer quelque chose. La mentalité lucrative qui a toujours existé mais à l'état de trace, elle s'est généralisée évidemment avec l'avènement du capitalisme. Et enfin, dernier des points en tout cas que je vais évoquer là, la question de l'abolition de la propriété privée et de l'ambiguïté du concept de propriété collective. Alors, on entend parfois abolition de la propriété, on entend parfois avec un peu plus de sérieux abolition de la propriété privée, on fait référence aux anciens, je parle de ceux soit précurseurs, soit parmi les fondateurs, en tout cas connus, hein, parce que c'est surtout des anonymes finalement qui ont nourri les bases de notre courant. Mais par exemple, si on prend les collectivistes, dont Bakounine était un exemple, il parlait d'abolir la propriété privée pour la remplacer par la propriété collective. En réalité, il y a un contresens ici. C'est qu'une propriété privée peut tout à fait être collective. La propriété collective, ce n'est pas un antagonisme de propriété privée. Je vais vous donner deux exemples. Vous êtes plusieurs à vouloir, je ne sais pas moi, acquérir un immeuble et en fonder une sorte de coopérative d'habitation. Ou même, vous êtes en couple et vous êtes deux à acquérir un logement. Ben, c'est bien une propriété privée parce que ça vous appartient en tant que particulier. Mais ce n'est pas une propriété individuelle, c'est une propriété collective, parce que vous êtes plusieurs propriétaires collectifs, ça signifie juste qu'il y a plusieurs propriétaires privés, ça signifie que ce n'est pas public ou que ce n'est pas social. Ça relève de personnes qui sont considérées comme telles. Donc, du coup, une coopérative est une propriété privée collective, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine de la production de biens matériels, et presque à l'extrême, aujourd'hui, une société anonyme, donc le type même de l'entreprise capitaliste, les sociétés anonymes sont certes des entreprises privées, mais collectives. Et pourtant, loin de nous de nous dire qu'on veut quelque chose de tout aussi collectif que les sociétés anonymes qui sont le règne de ces entreprises capitalistes. Donc là aussi, un peu plus de rigueur dans les thèmes. Il y a des choses qui sont négatives dans la propriété actuelle. Privée ou même publique, c'est évidemment sa faculté de s'approprier autrui et le travail d'autrui, donc sa capacité à nous permettre de dominer quelqu'un. Voilà, parce que je possède quelque chose, tu vas pouvoir faire quelque chose pour moi, je te rétrocéderai quelque chose, ça peut être je vais te loger, ça peut être donc un avantage en nature, ça peut être un salaire. Ce premier aspect de la propriété. Et le deuxième, c'est celui, évidemment, de son caractère lucratif, c'est que la propriété permet l'enrichissement. Et à partir de l'enrichissement, je peux accumuler, et du coup, je peux renforcer aussi mon côté domination. Je peux dominer. Toute propriété, là encore, c'est comme le marché, c'est, en fait, un ensemble. Ce qu'on a à l'esprit, c'est la propriété exclusive telle qu'elle a été valorisée et survalorisé par les libéraux, y compris révolutionnaires français, quand on voit que c'est le seul droit sacré et imprescriptible dans la Déclaration des droits de l'homme, la propriété, etc. Mais la propriété, c'est un ensemble de droits. La propriété, elle n'a jamais été complète. Il y a le droit d'user, il y a le droit d'abuser, il y a le droit d'en jouir des fruits, c'est-à-dire que ça vous rapporte quelque chose, etc. À ce titre-là, Proudhon l'avait bien compris. Vous savez tous, Proudhon, dans son premier temps, il a critiqué très vivement la propriété privée. Et au cours de sa vie, on dit « ouais, il y a des incohérences ». C'est vrai que sur certains aspects, il n'est pas toujours complètement linéaire, même s'il a toujours cherché à montrer qu'en fait, il y avait une vraie ligne droite. Mais il est revenu là-dessus. Il avait donc critiqué la propriété, il avait choisi le concept de possession. Et sur la fin de sa vie, dans son ouvrage posthume Théorie de la propriété, il est revenu sur là-dessus et il a choisi de reprendre le terme de propriété. Et on se dit, ah bon, il a critiqué la propriété, il revient sur la propriété, il avait choisi autre chose, est-ce qu'il abandonne ? Et en réalité, il explique dans Théorie de la propriété, le contenu est toujours resté le même. Il y a juste l'étiquette. C'est-à-dire que, si je prends cette idée-là, imaginons que ça soit la propriété absolutiste, celle de l'idéologie propriétariste, je possède et je peux m'enrichir avec, je peux dominer, je peux, etc. Faire tout ce qu'on condamne. Proudhon, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, ça convient pas. Dans un premier temps, il a mis tout ça de côté. Il a dit, je vais garder qu'une partie, une partie de l'eau, pas tout, hein, une partie de l'eau, je vais la verser dans mon verre. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, parce que... Voilà. Et ceci étant, ça c'est bien, je le conserve, je vais l'appeler possession, et ça, donc, cette propriété, avec l'eau qui était dedans, je la rejette. Et puis à la fin de sa vie, il s'est rendu compte, en tout cas c'est comme ça qu'il le dit, il s'est dit, j'ai eu beau pendant des années, même plus de décennies, lutter en faveur de l'abandon du terme de propriété au sein de ce qu'on pourrait appeler le prolétariat, j'y suis jamais parvenu. Les gens auxquels je m'adressais, les classes populaires, étaient particulièrement attachés à ce mot-là. Alors, du coup, eh bien, je vais reprendre le mot, mais ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever, exactement comme ce que j'ai fait là, je vais lui enlever tout ce qui me paraît nocif. C'est-à-dire la propriété qui permet le droit domaine, le droit d'exploiter autrui, notamment. Il y a conservé un petit peu des éléments, l'héritage et des choses que moi-même je vais encore plus loin dans le livre parce qu'il y a un certain nombre d'éléments que j'enlève encore plus que lui. C'est-à-dire en fait, au lieu de descendre à ce niveau-là, moi je suis descendu carrément encore plus bas. Et je dis, mais c'est pas grave, on garde l'étiquette, mais l'étiquette elle ne veut rien dire. C'est quoi le plus important ? C'est le contenu ou c'est le contenant ? Eh bien, le plus important c'est le contenu. Donc, je conserve le mot « propriété ». Mais je lui enlève tous les droits qui permettent, on va dire, tout ce qui lui donne son caractère de propriété capitaliste, absolutiste. Voilà. Ça, je réponds peut-être par anticipation et critique. Comment se fait-il que dans ce que vous mettez en avant, vous conservez cette notion de propriété ? Mais ce n'est pas la même propriété. Ce n'est pas le même, quand je parlais de jeans tout à l'heure, ce n'est pas le jeans gris que je prends. C'est un jeans bleu et d'une autre forme. Donc, au-delà des mots, il s'agit de quoi ? Et puis finalement, les mots, c'est pas si important. Je pourrais presque aller au risque de choquer certains d'entre vous, puisque après tout, je ne serai pas le premier à le dire. Le mot anarchiste, ça fait quoi ? Ça fait deux siècles. Deux siècles qu'on lutte contre vent et marée pour essayer d'en faire comprendre un sens différent. Et avec quel résultat ? Et même quand il y avait un peu plus de monde que le monde qui se reconnaît dans les idées anarchistes aujourd'hui, avec quel résultat ? Ben non, on dira ce qu'on voudra, mais c'est encore considéré comme soit synonyme de désordre, soit comme synonyme d'absence de règles, et puis je ne vous parle même pas de tout ce qui est relatif à la violence ou au terrorisme, alors même que le petit passage terroriste de quelques anarchistes, en fait, est extrêmement limité, et de façon beaucoup plus récente, je pense par exemple au mérampant italien, très honnêtement, la violence de l'extrême droite néofasciste était bien pire que la violence de personnes qui venaient du milieu de l'autonomie ou qui auraient pu se réclamer des idées libertaires ou de ce qu'avaient pu faire les libertaires quand ils ont été sacrément interdit après la commune de Paris. Il y a eu la voie de la radicalisation vers la violence, y compris parce que justement il y a eu cette répression sévère de la part de l'État. Mais ça nous est complètement collé et on n'arrive pas à lutter contre ça. Alors, c'est dans ce sens-là que je serai provocateur. Est-ce que, comme Gaston Leval, qui l'avait proposé, est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas temps d'abandonner ce terme-là et d'en garder le contenu ? Et quand on voit que finalement vous avez un certain nombre de personnes dans les mouvements de contestation actuels et notamment par rapport à la dégradation, soit dans le domaine social, soit par rapport à la dégradation de notre environnement écologique, qui reprennent plus ou moins spontanément nos idées, finalement, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est d'arriver à mettre notre étiquette dessus, ou c'est que nos pratiques et nos idées, elles soient reprises et mises en œuvre ? Je pose sous forme de question, parce que si j'apporte la réponse, ce sont... voilà. Mais c'est, ça questionne, en tout cas. Ça questionne de la même manière que, finalement, le terme de propriété. C'est quoi ? C'est le terme qui est important ou pas ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit. Dernier petit temps. Dis-moi si je prends pas trop, là. Non, ça va. Ouais. Personne s'ennuie. Je regarde juste. Ouais. Okay. Bon, deux grands points encore. Concernant le contenu et son inscription temporelle. Si on voit un peu le déroulé, on va dire, espéré, d'une révolution à venir, il y a la phase globalement d'avance, c'est aujourd'hui. Il y a le pendant, c'est à la période révolutionnaire. Il y a le juste après, c'est-à-dire, bon, ça y est, la révolution est victorieuse. On l'espère. Et il y a le lointain. Alors, je n'ai pas voulu brosser ces... me consacrer à l'éventail de ces quatre phases. J'ai plutôt choisi de me focaliser sur deux d'entre elles. Les deux que j'ai mis un peu de côté, c'est la période de la Révolution, parce qu'elle est largement au-delà de la simple question économique, parce qu'elle pose, je crois, des questions de fond qui sont, me semble-t-il, pas encore complètement réglées. Bien qu'on en discute, le mouvement libertaire en discute depuis plus d'un siècle. C'est la question de la violence, la question de l'autorité, et comment on impose une société et une économie libertaire quand toute la société n'est pas forcément favorable à ça. Ça s'est posé en Russie, ça s'est posé en Espagne. La réponse espagnole a été différente de la réponse russe ou ukrainienne. Est-ce qu'on ne commet pas un acte d'autorité en l'imposant à des personnes qui ne sont pas convaincues ? Donc ces questions-là, je me suis dit, non seulement parce qu'elles débordent le champ économique, et en plus parce que c'est des questions vraiment lourdes, qui méritent encore... pas mal de réflexions, de débats, etc. Et je ne sais même pas si un jour elle sera résolue, d'ailleurs. Et je ne pense pas qu'elle puisse l'être. La deuxième période que j'ai laissée de côté, c'est la période du lointain. La période du lointain, parce que ça a déjà été évoqué par d'autres, y compris de façon presque un peu irréelle. Le communisme pur, tout marchera bien dans le meilleur des mondes. Même Pelloutier disait si la révolution est victorieuse, et quand bien même elle aurait bouleversé un grand nombre de choses, en 1895, il disait du jour au lendemain, ça ne sera pas le communisme pur. Ça a été repris par plein d'autres. Je vois Reclus qui, dans un de ses textes sur lequel j'ai été tombé, qui parlait de société d'harmonie. Pose question, surtout pour des anarchistes qui sommes pleinement en faveur de la diversité. Et donc la diversité, c'est aussi la diversité des opinions, des façons de faire, etc. Et donc c'est presque nier le conflit, l'harmonie. C'est presque en contradiction avec l'anarchisme, peut-être. Malatesta aussi, toujours dans la dernière partie de sa vie, je vous disais tout à l'heure qu'il remettait en cause un certain nombre de simplisme de la part de co-religionnaires, ses camarades de parti, ou d'organisation, on va dire, notamment lorsqu'ils abordaient la question de l'abolition de la monnaie tout de suite. Malatesta dit oui, on est pour l'abolition de la monnaie, mais l'abolition de la monnaie maintenant, juste après la révolution, non, pas forcément. D'ailleurs, ça c'est dans un de ses textes, je crois que c'est en 1925. Après le congrès de Sienne, il leur disait, mais quand on regarde l'expérience soviétique, eh bien l'expérience soviétique, elle a montré notamment qu'il n'y avait pas 36 possibilités. Il y avait la première avec tous ceux qui sont d'accord avec ce qu'on promeut en premier lieu, c'est-à-dire essayer d'évacuer toutes ces choses qui peuvent faire penser au capitalisme, même si on les a amputées d'une partie de leur pouvoir de nuisance. Tous ceux qui sont prêts à troquer, et encore c'est du troc marchand, puisque je vous donne telle quantité de céréales contre telle quantité de biens agricoles qui vont vous permettre ensuite de cultiver. C'est un petit peu ce que prenaient les macnovistes. Ou alors, il y en avait d'autres qui souhaitaient de la monnaie. Alors c'est vrai que dans une crise révolutionnaire, la monnaie, c'est plus la monnaie avec les billets, etc. Ça marche plus. Hein. C'est retour aux fondamentaux qui travaillent dans, on va dire... au niveau de, on va dire, c'est presque incrusté dans les mentalités humaines. On revient aux métaux précieux, par exemple, parce qu'on y fait confiance. Donc, on donne de la monnaie contre ces paysans, ou alors on a la méthode bolchevique, dit Malatesta. Allez, on réquisitionne. Et Malatesta, lui, jusqu'à la fin de sa vie, il dira mais c'est contradictoire avec ce qu'on pense et nos pratiques. On ne peut pas pratiquer la réquisition. Donc, s'il y a des paysans qui ne sont pas encore convaincus, on pourrait dire de ça, parce que la révolution réussit, okay, on a abattu les forces qui souhaitaient maintenir la société et l'économie capitaliste. N'empêche qu'on n'aura pas forcément convaincu toute la population, parce qu'on n'aura pas encore mis en œuvre pleinement nos solutions, donc il faudra aussi leur montrer par l'exemple que ça marche, et leur montrer par l'exemple aussi que finalement c'est plus intéressant pour eux qu'on fonctionne comme ça. Donc il y a des gens qui ne seront pas au même stade, on va dire, d'évolution culturelle, de conscientisation que nous, et il faudra faire avec, parce qu'on ne va pas chercher à se les braquer, donc il faudra accepter qu'il y ait un certain nombre de formes qui tiennent compte de leur... leur avancée moindre en termes d'acquisition d'un certain nombre de valeurs et de pratiques, tout en faisant en sorte que ce compromis ne se fasse pas sur le fondamental de nos valeurs et de nos pratiques. C'est-à-dire, ok, utiliser la monnaie, mais pas n'importe quel type de monnaie. Ok, utiliser des relations marchandes, mais pas n'importe quel type de relations marchandes. Ok, utiliser la propriété, mais comme je le disais tout à l'heure, pas n'importe quel type de propriété, pas de propriété capitaliste. Malatesta, d'ailleurs, dans un autre petit texte, dit bien, mais on n'est pas opposé à la propriété. Il dit, on est même d'accord avec l'idée que la propriété, ça puisse être un instrument de liberté. Voilà, ça peut choquer ça. Bon, pareil, on pourra en discuter. Mais il dit, mais ce sur quoi on est absolument contre, c'est la propriété capitaliste. Donc je reviens à cette propriété dénoncée par Proudhon, celle qui donne le droit d'aubaine, qui permet de dominer et d'exploiter. Ça a été mis en pratique. Comment ? Ça a été mis en pratique. Quoi donc ? En Espagne, ce que tu décris, les collectivistes, quand ils ont compris les collectivisations des terres, ils n'ont pas. Pour ceux qui voulaient, les paysans qui voulaient rester en propriété privée, ils ont laissé en propriété privée. Bien sûr. Seulement, ils leur ont dit vous avez votre terre d'être en propriété privée, seulement, vous ne vous agrandissez pas, c'est-à-dire, vous ne créez pas un salariat, c'est-à-dire des ouvriers agricoles, et ils leur ont posé comme condition de ne pas capitaliser leur choix. Et ça s'est posé. Ça. Il y a eu beaucoup de collectivisation en Aragon et en Catalogne. Ça a été comme ça. Donc, c'est, je veux dire, il y a eu, en Espagne, il y a eu cette pratique-là. Elle a très peu duré parce qu'il y a eu la répression et la guerre et tout. Mais cette idée, elle était là qu'on ne collectivisait pas tout et on ne forçait pas tout le monde comme ça s'est passé en Russie. Il y a eu cette idée de laisser d'autres méthodes, d'autres moyens et tout, mais tout en l'encadrant, que ce que tu disais, de vider de la partie de la bouteille, du fait qu'on ne rentre pas dans du capitalisme quand il reste des gens en propriétaire privé individuel. C'est ça, et y compris même l'extinction de la propriété privée, par exemple en disant, bon, il n'y aura pas de transmission. Il y a eu plein de choses intéressantes dans ce qui s'est passé en Espagne, parce que justement, il y a eu cette forme de pragmatisme. C'est-à-dire, on fait avec la réalité, on voit que, certes, on est une force très importante dans un certain nombre de lieux et de régions, mais on n'est pas les seuls. C'est aussi, malheureusement, sur le plan de vue politique, c'est aussi ce qui a largement pénalisé, on va dire, l'anarchisme du fait de que... enfin, ça serait un débat de biais, ça. Mais la direction, quand elle a décidé de participer au gouvernement, en se disant bah, « il y a les autres forces qui existent aussi, elles veulent qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait un État, ne le supprimons pas, restons-y, et si on laisse l'État survivre et la forme gouvernementale survivre, bah, il arrive ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dépourvu de plumes, il arrive à s'en recréer progressivement, et puis là, avec un bon coup de pouce stalinien au passage, et ils ont réussi à écraser pas mal de choses, quoi. » Dans oui. ce que tu disais, il y a une très belle scène dans le film Land and Freedom où justement la révolution a eu lieu dans un bled et tous les paysans sont rassemblés et les anarchistes disent oui, on va collectiviser machin, et puis tu as un ou deux mecs qui disent non, moi je reviendrai. Enfin, non, ils leur proposent soit vous venez dans la collectivité, soit vous restez, puis tu en as deux ou trois qui disent je veux continuer, quoi. Après, ils ne vont pas profiter des biens communs. Parce que le matériel agricole, après, peut-être, il y a que ceux de la collectivité qui vont profiter du commun et les autres vont rester tout seuls. Mais ils ne sont pas ostracisés ni rien, quoi. Et la scène, d'après les témoignages de Buzanar, était très réelle, quoi, dans le film. Moi, je pense que la différence de l'Espagne par rapport aux autres mouvements révolutionnaires, c'est que ceux qui ont pu la révolution en Espagne, ce n'était pas que des intellectuels, c'était vraiment le peuple tel qu'il vivait dans ses conditions de vie actuelles et de l'époque et tout, et qui souhaitait ce changement-là. Ce n'était pas quelqu'un qui avait théorisé, même si ça a été théorisé à d'abord par Proudhon, Bakounine, Malatesta et tout, mais je veux dire, il y a eu tout un travail sur les Athénées avant, toute la prise de conscience de rapport à la nature, des rapports hommes-femmes, des rapports à la production et tout, qui était très, très, très, très diffus dans le peuple espagnol. Voilà. Alors, c'est une partie du peuple espagnol. Alors, je ne sais pas si ça rejoint ce que vous dites, ou vous allez me dire, mais moi, je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que d'une part, c'est vrai, et d'autre part, parce que souvent, quand c'est uniquement le produit d'intellectuels, c'est souvent très, on va dire, très absolu. Et ça prend rarement, pas toujours, hein. Vous avez des intellectuels pragmatiques, au sens noble du terme pragmatique, hein, pas le socialisme pragmatique des pseudo-socialistes. Mais un pragmatisme, c'est-à-dire une adaptation à la réalité, la prise en compte de la réalité. Et ce qu'on a pu appeler aussi, c'est dommage que parfois ça ait un sens un peu péjoratif, mais le bon sens, quoi. Le bon sens paysan, bon sens ouvrier, et bien sur le terrain, on fait comment ? Et on ne peut pas arriver avec des absolus en disant c'est ou tout noir ou tout blanc. Là, on est obligé de concilier, mais il ne faut pas céder sur l'essentiel, mais par contre sur le secondaire, l'accessoire, peut-être qu'il y a des petites choses, etc. Voilà, hein, ce que Irène Pereira appelle d'ailleurs l'anarchisme pragmatique. Elle fait référence à des penseurs, mais je crois profondément que les travailleurs sont souvent beaucoup plus pragmatiques que les purs intellectuels. Donc ça, c'était les deux phases. Enfin, me semble. Hein. Oui. C'est des débats qu'on a eu. Été. Ouais. Donc ça, c'était les deux phases, le très lointain et puis le pendant que j'ai laissé de côté. Donc du coup, les deux autres phases, c'est celle auquel je me suis intéressé. Donc d'une part, le juste après. C'est-à-dire, on est en train de reconstruire, et on est obligé de composer avec un certain nombre d'éléments qui sont encore en nous. Et quand je dis en nous, c'est en nous la société, mais aussi en nous en tant qu'anarchistes ou libertaires, à savoir que on n'est pas aussi progressiste que le serait la deuxième ou la troisième ou la quatrième génération de cette société-là. La preuve en est qu'on retrouve même, je quitte le domaine de l'économie pour aller dans le domaine, on va dire, un domaine complètement différent, mais de la domination masculine ou sexuelle, mais même dans le mouvement anarchiste, on a parfois des phénomènes, et pourtant de gens qui se disent clairement anarchistes, etc., et qui ont des rapports qui ne sont pas tout à fait à l'image de, théoriquement, ce qu'ils prônent ou de ce qui devrait être mis en œuvre. Donc, sur le domaine économique, ça sera pareil. Alors, si c'est déjà le cas au sein du mouvement libéraire, vous en devinez de ceux qui ne le sont pas encore. Donc, il faudra pouvoir transiger. Donc, c'est pour ça que dans ce livre, eh bien, vous avez un certain nombre de reprises d'institutions dénaturées, c'est-à-dire on leur a enlevé un certain nombre de choses, et avec cette idée que finalement, la société de demain, du juste après, elle est quasiment déjà, en tout cas pour un certain nombre de ces éléments, en germe dans la société d'aujourd'hui. Et finalement, c'est aussi une vieille idée syndicaliste révolutionnaire et anarcho-syndicaliste, hein, puisque ça figure même dans, comment dire, dans le préambule du syndicat américain IWW, où il dit que la société de demain est une société dans la coquille de la société d'aujourd'hui. Et la deuxième période à laquelle... je me suis aussi confronté, c'est me dire, bah, du coup, comment on fait, puisqu'on a des éléments qui existent déjà aujourd'hui, comment on fait pour, et quels axes sont choisis pour essayer d'aller dans la direction, justement, de leur extension et de leur généralisation, qui passera nécessairement par une rupture, tant mais on veut l'abolition du salariat, de l'exploitation, de la dédomination, etc., d'un certain nombre de choses, et que ça, quand bien même on détendrait les pratiques qui sont les plus proches de nos conceptions libertaires, à un moment donné, ceux qui sont aux positions de pouvoir, quel que soit le type de pouvoir, politique, économique, social, religieux, etc., diront stop. Voilà. Donc, c'est un peu en annexe, j'ai évoqué quelques pistes, sachant qu'évidemment, elles sont loin d'être exhaustives et loin d'être non plus exemptées de toute critique ou de tout apport supplémentaire. Voilà. Pour terminer, je voudrais indiquer quels sont les grands traits de cette forme d'économie envisagée pour le juste après, et donc qui s'inscrirait pleinement dans des illustrations de la société d'aujourd'hui. J'utiliserai six qualificatifs. Ces six qualificatifs, le premier, c'est presque évidemment, en tout cas pour moi, c'est que c'est une économie sociale. Sociale, pourquoi ? Bah parce que ces règles d'établissement et de fonctionnement, et ainsi que toutes les pratiques sociales qu'elles permettront, elles sont inspirées d'un ensemble de valeurs et de principes qui guident finalement toute l'organisation de cette économie. Donc, sans être idéaliste, mais plutôt en suivant un peu un cheminement, on va dire, dialectique, entre la sphère matérielle et la sphère idéale, ou autrement repris par un auteur que j'apprécie beaucoup, qui est certes hétérodoxe dans le marxisme, mais quand même qui... pour lequel, en tant que libertaire, on ne peut pas se sentir complètement éloigné sur ses solutions, c'est Gramsci, quoi. Gramsci, la question de l'interaction entre le matériel et le culturel et de l'idée qu'à un moment donné, il faut aussi conquérir... Enfin, je vais presque paraître caricatural par rapport à la pensée de Gramsci, mais conquérir une forme d'hégémonie culturelle pour pouvoir ensuite pouvoir généraliser... pratiquer cette révolution, mais généraliser nos pratiques, il est clair qu'il y a un combat sur les valeurs à mener, quoi. Bon, donc, pour en revenir en tout cas, économie sociale, parce qu'elle est pleinement inscrite dans la société, c'est la société et les choix de la société qui dominent, c'est pas contrairement à l'économie de marché capitaliste où c'est l'économie qui dicte ses règles et sa volonté à la société, là c'est la société, on réinverse dans le bon sens, un peu comme Polanyi, quand il parlait d'économie encastrée, on réencastre l'économie dans la société, dans les choix de la société, dans les choix collectifs autogérés de la société. Deuxième, est guidé par des valeurs. inspiré par des valeurs. Deuxième qualificatif, écologique. Pourquoi ? Parce que les activités aujourd'hui, à l'heure de destruction catastrophique de notre environnement écologique, on ne peut plus concevoir les activités de production, de distribution, de consommation sans considérer et chercher à préserver notre environnement de vie, et qui n'est pas seulement à nous notre environnement de vie, mais qui est aussi l'environnement de vie de toutes les autres espèces qui vivent sur cette planète, quand bien même on s'estimerait supérieur à celle-ci. La thèse kropotkinienne d'aller vers l'abondance, on pourra discuter peut-être de la question de la décroissance après, mais la thèse d'aller vers l'abondance, je crois que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, au vu de ce qu'on est en train de commettre, est une thèse qui est caduque. Quoi. Troisième qualificatif. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot abondance. Oui, et puis il y a aussi la deuxième dimension qui a été mise en avant par Kropotkin, c'est-à-dire si on n'est pas capable d'abondance, il faut être en mesure de rationner. Parce que souvent il a été pris uniquement la partie abondance et oublié la partie rationnement sur tout ce qu'on n'est pas capable de produire en abondance. Et puis quels types de biens sont abondants par rapport à quel type de biens on rationne, enfin ça c'est quand on rentre un peu dans le détail, mais vous avez raison. Le troisième qualificatif, une économie pluraliste, aussi bien au niveau de ses formes d'organisation de la production que ses formes de répartition des biens, ses formes de consommation. J'ai pas voulu concevoir un modèle qui serait qui correspondrait à une conception où voilà, il y aurait un type d'organisation productive, il y aurait un type de distribution de biens et de services et un type de consommation. Alors c'est vrai que dans les modèles habituels relativement tranchés libertaire, vous avez, c'est soit le communisme, et le communisme il se déroulera de cette façon-ci, pas autrement, soit alors ça sera le collectivisme, et ça sera ceci. En fait, moi j'ai proposé une imbrication de tous, presque, si on y voyait un point commun, on ferait le lien avec le petit courant qui s'est appelé l'anarchisme sans adjectif, et qui disait qu'il était possible de concevoir finalement une pluralité de ces formes-là, s'il y en a qui ont envie de produire et de donner leur production libre à eux, s'il y en a qui sont pas d'accord avec ça parce qu'ils aimeraient bien, parce que ça coûte de leur temps, ça coûte peut-être aussi des moyens que de produire, et qui aimeraient bien obtenir quelque chose, une compensation, donc un échange ici, eh bien libre à eux, toujours avec l'idée que on peut permettre toutes les formes d'échange, on peut permettre toutes les formes de production, mais qu'à la condition qu'elles soient telles qu'elles ne nous amènent pas au capitalisme. C'est-à-dire, toujours avec ce côté, on enlève une partie de l'eau, que ce soit sur la monnaie, que ce soit sur le marché, que ce soit sur la propriété, enfin sur tous ces concepts génériques, ici. Que ce ne soit pas n'importe quel type de monnaie, que ce ne soit pas n'importe quel type de marché, que ce ne soit pas n'importe quel type de propriété, que ce ne soit pas n'importe quel type de production, n'importe quel type d'échange, etc. Quatrième qualificatif, c'est assez relié avec le côté pluraliste, hein, et puis pluraliste, je reviens un petit peu en arrière, je pense aussi que ça va bien avec la philosophie anarchiste, puisque elle promeut quand même l'acceptation de la diversité, et eh bien on a le droit de pratiquer d'avoir des pratiques économiques qui soient différentes les uns des autres, les unes des autres. Ici. Je disais libre, parce que même s'il y a un cadre normatif de règles qui est posé par la société, une fois ce cadre de règles générales, pas de propriété lucrative, etc., eh bien, il y a la liberté qui est laissée aux acteurs de s'engager comme ils l'entendent dans les activités économiques. Je me souviens, j'avais été marqué assez jeune par la lecture d'un économiste hétérodoxe, complètement tombé dans l'oubli, qui disait, mais quel est l'intérêt, ça c'est parce qu'en même temps j'étais en train, je lisais à l'époque la conception autogestionnaire, comment dire, des trotskistes de la LCR. Et cet économiste orthodoxe disait, mais quel est l'intérêt d'autogérer son entreprise ou son organisation productive pour les travailleurs quand tout vous est dicté. On vous dit ce que vous devez produire, on vous dit comment vous devez le produire, on vous dit comment vous devez l'échanger, on vous dit comment vous devez vous procurer les biens et services dont vous avez besoin pour produire, etc. Mais elle est où la liberté à ce niveau-là, quoi ? C'est une liberté de dire, tiens, on a le droit d'installer des WC à cet étage plutôt qu'à tel autre étage, et on a le droit de prendre ses heures de travail d'une certaine manière plutôt que d'une autre heure de travail. Enfin, c'est une autogestion partielle, ça, c'est pas une autogestion complète. J'en suis au cinquième qualificatif, décentraliser autant que faire se peut. Alors décentraliser, bon, c'est vraiment une thématique tout à fait libertaire, hein, qui était beaucoup revendiquée par les anarcho-syndicalistes russes d'ailleurs, quand ils s'opposaient aux bolcheviks. Ils disaient beaucoup qu'on doit gérer les entreprises de façon décentralisée. Et autant que faire se peut, parce que évidemment tout ne peut pas être complètement décentralisé. C'est pas non plus une économie complètement atomistique comme dans le modèle libéral d'une économie de petits atomes, etc. Il y a besoin de fédéralisme, il y a besoin de que les organisations productives se lient les unes aux autres, en tout cas dans la mesure de leurs souhaits et de leurs besoins, etc. Et selon deux principes dont la terminologie vient du christianisme, mais en fait qui se retrouve complètement dans les idées anarches, c'est le principe de subsidiarité et le principe de suppléance. Est-ce que je les reprends ou pas ? Oui. Les deux ? Oui ? D'accord. Alors, le principe de subsidiarité, hein, qui est issu de la doctrine chrétienne, ça implique, et vous allez voir comment, au-delà de mots, c'est, là encore, il ne faut pas s'attacher aux mots, c'est surtout le contenu qui est important, c'est complètement, en fait, nos idées. Ben, ça implique une activité ou une mission, une responsabilité. Elle est assumée au niveau le plus proche des acteurs concernés. C'est-à-dire que ce sont les premiers concernés qui doivent prendre en charge, se lancer dans une activité, assumer la responsabilité du problème ou de la chose auquel ils sont confrontés. Voilà ce que c'est tout simplement le principe de subsidiarité. Ça rejoint l'idée un peu de décentralisation. Donc, on est les concernés. Eh bien, c'est nous qui nous en occupons. Ce n'est pas des gens qui sont éloignés, qui connaissent moins le problème que nous, qui auraient à nous dire comment on doit faire. Mais le principe de subsidiarité, il s'adapte. Alors, dans la doctrine de l'Église, hein, parce qu'ils sont hiérarchiques, il y a l'idée de niveau supérieur, inférieur. C'est-à-dire, on part du niveau le plus bas au niveau le plus élevé, quand le niveau le plus bas est d'un point de vue libertaire, il vaut mieux raisonner de façon horizontale et se dire, on élargit. On a besoin de rénover une chaussée dans un quartier, que la décision se prenne au niveau du quartier. On a besoin de rénover un axe routier ou pédestre ou de vélo au sein d'une ville. Bien sûr, la décision devra se prendre au niveau, en tout cas, de la ville ou du moins de tous les quartiers qui sont concernés par cet axe routier, peut-être aussi des autres quartiers, ne serait-ce que parce que la circulation par ce biais-là peut avantager ou pénaliser d'autres quartiers ou même en termes de moyens employés. Pareil pour la voie ferrée. C'est le grand débat à Paris avec les bagnoles dans la ville, où la ville interdit les bagnoles et ceux qui sont autour. C'est ça, c'est-à-dire qu'eux, on ne leur demande pas leur avis. Ouais. C'était avant même les chrétiens, les Romains faisaient ça déjà. Les Romains faisaient déjà ça. Oui, mais disons que c'est partout, vous allez voir, l'Église se l'est appropriée, dit c'est nous qui en sommes à l'origine, c'est nous qui sommes les titulaires. Du droit intellectuel sur le terme. Enfin, j'exagère un peu. Mais bon. Le deuxième principe qui est associé, c'est le principe de suppléance. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où l'échelon le plus concerné n'est pas en mesure de résoudre le problème, en tout cas de façon satisfaisante, eh bien ça doit être l'échelon, pas supérieur, mais l'échelon élargi qui doit le faire. Je l'ai illustré en disant, le quartier n'est pas en mesure de rénover, de façon satisfaisante, le petit passage qui le concernait, alors dans ce cas, ça doit être à l'échelon dessus, donc la commune ou un groupe de quartiers, etc. Pareil, après, au niveau cantonal, départemental, régional, tout dépend quels sont les niveaux qu'on maintient. ici. Voilà. Et enfin, le dernier qualificatif, qui parle là encore presque de soi, c'est un fonctionnement autogestionnaire. Et à tous les niveaux, donc de l'échelon le plus bas à l'échelon le plus haut, et qui dépasse, puisque l'échelon le plus haut, pour moi, ce n'est pas l'économie, c'est la société tout entière. Hein, c'est... L'économie est encastrée, donc jusqu'à la société, pour dire qu'il ne s'agit pas de concevoir seulement une économie autogestionnaire, mais une société autogestionnaire dont l'économie est autogestionnaire. Pour faire juste écho à quelque chose qui est pas vrai, qui a été très très partiellement autogestionnaire, mais qui dans les années à la fin des années 60 était grandement mis en avant, c'est par exemple l'autogestion yougoslave ou alors l'autogestion algérienne, dont alors je vais dire plus yougoslave qu'algérienne parce qu'elle était très très limitée. L'autogestion yougoslave était beaucoup plus étendue dans la sphère économique, mais malgré tout vous aviez, ça ne dépassait pas le cadre de l'économie, en tout cas d'un certain nombre grandes entreprises de l'économie, et vous aviez tout à fait pas d'autogestion dans le domaine politico-social, et la mainmise du parti sur la manière dont devait s'opérer cette autogestion économique. Voilà. Bien, ben, je vous remercie de votre écoute. J'ai deux questions. Première question, là, quand tu as commencé de débarrasser la dénomination de la propriété de tous les liens vers le marché, dans l'économie classique, il y a la juxtaposition entre possession et propriété. Tu n'as jamais parlé de possession. Est-ce que tu penses que c'est caduque maintenant ou comment tu vois la possession? Deuxième chose, aujourd'hui, quand on est dans le silage de néolibéralisme, la plus grande menace, à mon avis, c'est l'anarcho-capitalisme. Et comment tu veux sécuriser, comment tu veux prévenir une économie libertaire de ne pas tomber dans ce piège-là? Est-ce que ce n'est pas, par exemple, plus utile de parler d'une économie libertaire socialiste? Il y a plein de choses dans la deuxième question. Bon, on va revenir d'abord à la première, puis je vous demanderai peut-être de me rafraîchir sur la deuxième. Alors, par rapport à la notion de propriété et de possession, alors, je vois deux choses. S'il y en a d'autres qui veulent intervenir, y compris même pour répondre aux questions, hein, surtout, ne vous gênez pas, je vois deux choses. La première, c'est que opposer propriété et possession, je vois pas d'intérêt. Déjà, rien que dans un sens un peu proudhonien, si la propriété libertaire est débarrassée d'un certain nombre de choses, c'est de la possession. Même si elle conserve le terme de propriété, c'est déjà de la possession. Maintenant, la deuxième chose que je vois, donc du coup, ça ne s'oppose plus, c'est plus deux choses disjointes, mais une seule et même chose, même s'il y a deux mots pour le dire. Et la deuxième chose que je vois, c'est si vous voulez dire par possession... simplement le droit d'usage, parce que la propriété c'est un petit peu plus qu'un droit d'usage, c'est ça m'appartient, c'est vraiment à moi, alors que si je suis dans l'usage, même si c'est un usage extrêmement long, les bails emphytéotiques par exemple, c'est-à-dire vous avez droit d'usage pendant 99 ans, etc., comme c'est le cas sur la terre au Sénégal par exemple, au Larzac. Peut-être. Ça, ouais. Je ne savais pas ça. L'étannerie à Dijon. D'accord. Au Larzac, après, quand il y a eu la fin de la lutte et tout, il y a plein de paysans qui se sont installés avec ce bail-là. D'accord. Voilà. D'accord. À Lyon, il y a un autre truc aussi. Je vais juste terminer, puis je donnerai l'autre petit exemple. Ce droit d'usage par rapport à ce droit de propriété, mais ils peuvent tout à fait coexister. Le droit de propriété, on va dire amputé, et le droit seul d'usage, tout à fait, là aussi, ce n'est pas en opposition, mais tous ceux qui veulent favoriser l'usage, ben, tant mieux. Aujourd'hui, dans notre société capitaliste, il n'y a pas que la propriété qui est nuisible. La propriété capitaliste qui est nuisible, le droit d'usage aussi l'est. Je me souviens, et je donne comme indication dans une petite note, il y a plus d'une dizaine d'années, je ne sais plus quand exactement, vous aviez même une entreprise qui avait fait de la publicité, une entreprise lucrative. Elle gagnait de l'argent en louant. Et Uber, c'est quoi? D'une certaine façon, c'est aussi on s'enrichit, en tout cas l'entreprise, et peut-être même l'usager qui loue son appartement en faisant de l'usage, quoi. Ici, l'usage, s'il est lucratif, il est tout aussi condamnable que la propriété lucrative. L'usage en soi, il n'est pas bon, et la propriété mauvaise. Et quel type d'usage? Quel type de propriété? Et une propriété amputée peut tout à fait aller avec un usage non lucratif. Une propriété non lucrative avec un usage non lucratif, et ça coexiste et ça renvoie au pluralisme. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ça, et peut-être que vous vouliez rebondir. Moi, j'allais dire non, pas directement dessus. Alors, si la deuxième question, là, c'est ça. J'ai été répondu à ta deuxième question. Non, je n'ai pas répondu à la deuxième. Non, il n'y a pas. Alors, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Oui. Ni le premier, ni. Je peux répondre juste sur la deuxième question. Oui, vous voulez répondre? Non, je ne voulais pas répondre, c'est une autre question. Ah, d'accord. Mais toujours sur la propriété. Oui, madame, vous voulez rester sur la propriété. Oui, allez-y. Je voulais réécouter un entretien que j'avais vu par rapport à un livre de Benoît Bortis, Au-delà de la propriété. Et je n'ai pas eu le temps, donc je voulais savoir s'il y avait des trucs, parce que je ne me rappelle plus du tout de son livre. Et s'il y avait des bons trucs dans ce qu'il disait. Alors, dans ce livre-là, celui-ci, je ne l'ai pas lu, mais il y a une chose qu'il reprend, et il le reprend à Bernard Friot, qui lui-même a parlé, et j'aime pas du tout le terme, je vous le dis, hein, d'office, il parle de propriété d'usage. Pour moi, c'est un oxymore. Propriété d'usage. Soit il parle d'usage au sens de possession, etc. Soit il parle de propriété, mais une propriété d'usage. Si la propriété se résume à l'usage, c'est plus de la propriété. Puisque c'est juste un des éléments de la propriété. Si c'est de la propriété, c'est plus que de l'usage. Donc il parle de propriété, il parle d'usage. À la limite, l'un et l'autre, ils auraient gagné à dire propriété non lucrative. Et c'est un terme que je conçois tout à fait, propriété non lucrative, et ce qui ferait d'ailleurs un point commun entre Benoît Bortis, Bernard Friot et moi-même, c'est de revenir un petit peu à cette source un peu proudhonienne, de dire, eh bien, la propriété ne doit pas être lucrative, elle doit être amputée d'un certain nombre de droits. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième question? Oui, mais alors, moi, là, du coup, je vais faire la grosse naïve. Vous pouvez même être critique. Plus que ça. Non, avant d'être critique, il faudrait d'abord que j'arrive à tout comprendre. Cette propriété qui est un guidé, là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors, déjà, cette propriété, il faut. Ce qu'il faudrait, c'est que on distingue ce sur quoi elle porte. Parce que. En fonction de ce sur quoi elle porte, elle peut être plus ou moins amputée. Il y a les mêmes choses qui sont enlevées, mais on peut enlever plus à certaines qu'à d'autres. Je m'explique. Vous avez la propriété sur des biens particuliers. Ni Marx, ni, en tout cas à ma connaissance, les principaux aux anciens auteurs anarchistes n'ont remis en cause la propriété des biens personnels. Avoir des biens à soi. Bakounine s'opposait beaucoup au communisme monacal. Proudhon aussi, hein, du style on abandonne tout, on n'a plus qu'une bure et puis c'est terminé, on ne possède plus rien ici. On peut avoir des biens personnels, on peut avoir des biens auxquels on est attaché et qu'on peut même avoir envie. Au Sierra Lausanne, il y a l'un des personnes avec qui j'ai changé qui disait c'est le genre de bien même qui n'a pas de prix, qu'on a pu hériter de ses parents et il y a un souvenir affectif. Et on n'a qu'une envie, c'est de le garder à soi parce que justement on y est lié affectivement. Il y a un vécu personnel, il y a des émotions, il y a une histoire. Ça peut être avec des parents, des enfants, des amis, des ceci, des cela, et on peut être attaché à ça. Et ça fait partie du sentiment et du besoin de propriété. Voilà. Regardez comment les jeunes enfants, je ne veux pas dire que c'est un peu inhérent à l'humain, mais les jeunes enfants, dans les premiers apprentissages qu'on a à leur faire, c'est de ne pas prendre. Quand on les emmène, on va dire, un anniversaire, etc., ils voient une chose, ça leur plaît, ils ont envie de se l'approprier. Je ne veux pas dire que c'est inhérent à la nature humaine, la propriété, mais le besoin d'avoir quelque chose à soi, parfois motivé par de mauvais sentiments, la jalousie, l'envie, le ceci, le cela, etc. Mais il y a certains types de biens qu'on conçoit, continuer à posséder, au sens de propriété. Après, il y a la question de la propriété des entreprises. Et il y a la question de la propriété immobilière et la question de la propriété foncière, etc. La propriété immobilière est le possesseur de son logement. Eh bien là, je prends en considération également qu'il puisse y avoir une forme d'attachement. Alors, quand on est quelqu'un qui, on va dire comme moi, j'ai déménagé dans mon enfance d'une dizaine de fois, donc j'ai pas vraiment de lieu, sauf le lieu de mes grands-parents, où j'allais en vacances tous les étés, on peut avoir parfois un certain attachement à un lieu, où on peut avoir envie, j'ai dit on peut avoir envie, je dis pas que ça ne se discute pas et qu'on peut pas le remettre en cause. On peut avoir envie de le conserver. Vous levez la main ? Non. Ah non, j'ai cru. Éventuellement même de le transmettre. Si personne n'en veut, c'est remis à la société. Nécessairement. Une personne qui aurait envie, je ne sais pas moi, du coup, qui aurait fait en sorte d'en avoir deux, des lieux, voire trois, et qui n'est pas en mesure de les habiter, on lui enlève également tous ceux dans lesquels il ne vit pas. C'est-à-dire que la propriété qui reste ici, ça serait une propriété qui serait exclusivement liée à l'usage. Posséder un bien et ne pas l'utiliser, c'est l'ôter, on va dire, à ceux qui en auraient besoin, et c'est l'ôter à la société. Donc on lui enlève. On ne peut pas être propriétaire d'une chose inutilisée. Ça, c'est encore un des droits. Proudhon l'avait déjà évoqué, il avait dit, notamment dans Qu'est-ce que la propriété, il avait dit, parmi les abus de la propriété, il y a le fait de détruire la chose, et il y a le fait de le confisquer à l'usage d'autrui quand soi-même on ne l'utilise pas. Ces droits-là, je les évacue. Pour ce qui est de la propriété d'entreprise, eh bien, on pourrait concevoir des organisations sans propriété. Une association, c'est une organisation sans propriété. Et de se dire, ah ben ça, les associations, c'est quand même bien mieux, d'un point de vue de nos idées, qu'une entreprise qui suppose qu'il y ait des propriétaires. Plusieurs choses là-dessus qui me viennent à l'esprit. Premièrement, dans notre société actuelle, franchement, ce n'est pas l'absence de propriété productive qui empêche l'exploitation. J'ai le souvenir d'avoir lu il y a quelques mois un livre de deux jeunes femmes, je crois, et qui disaient clairement qu'elles étaient exploitées alors même qu'elles travaillaient dans le tissu associatif. Elles n'ont pas de propriétaire, mais elles sont exploitées quand même. Autre chose, d'un point de vue plus, on va dire, un petit peu plus ancien, aux Trente Glorieuses. Trente Glorieuses, ça a été un peu la période d'évolution du capitalisme. On est passé d'un capitalisme, on va dire, de propriétaires, où c'était les propriétaires qui dominaient. On est revenu à ça grâce au néolibéralisme. Mais on a eu un peu une entracte durant la période des Trente Glorieuses, c'est le capitalisme de manager, de directeur. C'est-à-dire que les propriétaires avaient moins de poids, et c'était les dirigeants d'entreprise qui prenaient les décisions, et donc d'une certaine façon qui participaient à l'exploitation des ouvriers, qui avaient acquis une certaine autonomie par rapport aux propriétaires. Les travailleurs, ils étaient, bien que les propriétaires n'avaient presque plus leur mot à dire, c'était les dirigeants d'entreprise qui faisaient le là, les travailleurs étaient tout autant exploités. Donc la question de la propriété, c'est pas ça qui joue en tant que tel, ou de l'absence de propriété. C'est un premier point. Deuxième point, on peut avoir des gens qui se disent, ben moi, pour me lancer dans telle activité, j'ai envie d'être le maître de l'organisation productive dans lequel, à partir de mon année, hein, je dis bien, hein, on n'a pas de salarié. Hein. J'ai envie d'être le maître de l'organisation de ce que je produis, pas être simplement dans une structure sans propriété. Je vais vous donner un exemple. Il vaut ce qu'il vaut. Mais quand j'ai débuté dans le métier, J'étais muté en Bretagne et en militant là-bas, j'ai fait la connaissance d'une personne qui avait quoi, une petite dizaine d'années de plus que moi. C'était donc il se définissait comme anarchiste communiste. Il avait été, on va dire, il avait milité dans le syndicalisme anarcho-syndicaliste, syndicaliste révolutionnaire dans les années 70. Bon, il est encore très jeune, mais il avait quitté un peu le syndicalisme. Il était cordonnier. Il avait sa petite boutique, il était cordonnier. Et évidemment, moi j'étais jeune, hein, et à un moment donné, je me dis, ah, ça colle pas avec la théorie, ça colle pas. Un propriétaire de son moyen de production qui se dit anarchiste communiste. Donc, bon, comme on était devenus amis, ben, un soir, bon, devant un verre, et puis les Bretons boivent beaucoup, je lui ai posé, enfin, je ne veux pas faire une généralisation abusive, mais lui, on lui a dit, c'était pas que les Bretons. Ouais. Et donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu es devenu, en fait, petit propriétaire privé de tes moyens de production. Et il me dit, bah, avant j'étais salarié, je travaillais dans une boucherie industrielle. C'était tellement horrible ce qu'on faisait, et c'était tellement, non seulement l'exploitation, mais horrible ce qu'on faisait aux animaux, que j'en ai été dégoûté, je supportais plus les petits chefs. Et finalement, j'ai décidé de quitter le salariat. J'ai créé ma boutique. J'ai pas beaucoup de clients, je gagne moins qu'un SMIC. Je cherche pas à m'étendre. Je ne cherche pas à me développer, mais je suis très content, j'ai pu me mettre. Eh bien, ça, c'est tout à fait envisageable. En tout cas, moi, je l'envisage dans le juste après. Au 19e siècle, il y avait beaucoup, d'ailleurs, d'artisans qui étaient dans le mouvement libertaire. Des cordonniers, je sais. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Il y avait la question de l'héritage chez les anarchistes, qu'est-ce qu'ils en disent ? Alors... parce qu'effectivement hériter, ouais, d'un objet, d'un truc auquel on tient, mais après d'une maison qu'on ne va pas occuper, etc. Enfin, ouais. C'est... Globalement, on va dire l'héritage est mal vu, hein. Si je remonte à la position de Bakounine, puisqu'il a polémiqué avec Marx en international sur la question de l'héritage, Marx disait ça arrivera après, lui disait il faut l'inscrire tout de suite dans les revendications. Alors, on ne remet pas en cause la question de la transmission sur les biens, les biens de type personnel. Ce qui jouait dans les débats, c'était la question de la propriété des moyens de production. L'entreprise. Voilà. Et Bakounine y était opposé. Mais par rapport aux paysans, il avait une petite exception. Ouais. Il disait qu'elle devait s'éteindre d'elle-même. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas imposer comment dire, la fin de l'abolition, il fallait attendre qu'on leur confie le droit d'usage, enfin, on transforme leur propriété en droit d'usage, etc. Et à terme, ça finira par s'éteindre, parce qu'ils pourront plus, mais pas sur la première des générations, en tout cas. Voilà. C'est à peu près la position que j'ai, en tout cas, sur la question immobilière, en disant d'abord tout ce que on va dire les héritiers, par exemple, imaginons un logement, les héritiers de mes enfants, ils ont vécu dans le même logement que moi, il y en a au moins un des deux qui veut y habiter, ben il peut, il a une sorte de droit préférentiel à y habiter par rapport à un inconnu, mais que s'il y a aucun des deux enfants qui souhaite habiter ce logement, ben il faut qu'il soit remis à la société, quoi. Voilà. Et sur les entreprises, ce que je dis, c'est que une personne qui quitte une entreprise, ben, elle est obligée d'abandonner son droit de propriété. Exactement comme dans une coopérative actuelle, d'ailleurs, la personne qui quitte la coopérative, ben, elle quitte la propriété de cette entreprise. Point final, donc il n'y a pas de transmission de coopérative. Voilà. C'est les travailleurs qui sont, qui maintiennent son existence ou qui, pour une raison X ou Y, à un moment donné, s'ils décident de fermer l'entreprise, ils ferment l'entreprise. Mais la propriété ne se transmet pas. Si l'entreprise ferme, même si je ne l'évoque pas ça dans le livre, mais pour moi ça va presque de soi, même situation qu'actuellement, vous savez, une entreprise qui ferme, ben, les biens soit permettent de rembourser les créanciers, une association qui ferme, c'est encore mieux, l'association qui ferme et qui possède les biens, enfin qui se termine, eh bien les biens sont transférés à une autre association. Ouais, ceux qui étaient membres de l'association. C'est pas systématique, je pense. C'est l'esprit. Les biens d'une association sont transférés à une autre. Après, dans les statuts, on peut choisir de qui transmettre ou pas. C'est-à-dire se dire, on va choisir plutôt cette association, la machine à écrire, machine à écrire, ça n'existe plus, l'ordinateur. On va transmettre. Après, les coopératives, c'est comme ça. Moi, pour avoir pratiqué les coopératives, une coopérative qui s'arrête, ça revient dans le mouvement coopératif. C'est-à-dire que ceux qui tirent bénéfice, s'il y a bénéfice qui reste après avoir arrêté la coopérative, ça revient au mouvement qui le répartit. Un peu comme le système des associations. Parce que normalement, les associations, c'est ça. S'il reste de l'argent, ça peut pas. C'est obligé d'aller dans une autre association. Les membres ne peuvent pas récupérer l'argent en disant nous, on est les derniers membres, l'argent, on va se le mettre dans la poche. Ça ne fonctionne pas. C'est pareil pour les biens des associations. Et c'est vrai que dans ce que tu dis une société libertaire, ce qu'on envisage et tout. Il y a quand même des pratiques dans la société, que ce soit la mutuelle, l'association, la coopérative, qui sont des pratiques très libertaires quand même. C'est des pratiques... Alors c'est très critiqué parce qu'on dit oui, mais le système capitaliste et tout, mais c'est quand même des pratiques qui permettent que des gens vivent ces expériences. C'est des pratiques qui permettent, qui se développent, qui montrent qu'il peut y avoir d'autres rapports à la production, au salaire, au capital et à tout ça. Et en fait, c'est pour moi, c'est porteur d'une évolution qui est quand même assez favorable. Parce que là, on revient sur le fond de révolution. Soit on attend le grand soir pour que tout change d'un seul coup, mais alors là, une grosse baguette magique, je pense, vu que est-ce que les gens auraient changé avant, ou soit on vit des rapports qui permettent que ce changement arrive et qui continue, que ce ne soit pas un changement figé. Et ça, je pense tout à l'heure, tu disais, les jeunes, ils ne s'intéressent plus aux organisations et tout. Une partie de la jeunesse actuellement. J'ai pas dit aux organisations, j'ai dit aux étiquettes. Aux étiquettes, pas la même chose. Et une partie de la jeunesse, on l'a vu sur les ZAD, sur les squats, sur des tas de trucs comme ça, ils sont très très ouverts à nos idées, à ce qui a été pensé avant, ce qui a été mis en pratique et tout. Et ils le pratiquent presque de façon naturelle. Et ils ne le formalisent pas trop. C'est-à-dire que s'ils doivent bouger, ils bougent. Ils sont pas dans une relation à l'association, à la terre, en forme de même d'habitat. Ils sont... comment dirais-je ? Ils construisent la société, mais tout en sachant qu'on ne peut pas figer quelque chose et que c'est quelque chose qui ne peut bouger et peut évoluer. Et je pense que moi, je vois un peu le changement comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ça va être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, comme ça, parce que, bon, on le voit bien, Proudhon, à son époque, il avait des idées qui étaient bonnes, comme il avait des idées qui étaient néfastes, entre autres sur les femmes, mais je veux dire, c'est pas pour ça, parce que nous, dernièrement, à Saint-Tilly, il y a une femme qui venait nous dire, parce qu'on avait un livre de Proudhon sur la table, comment pouvez-vous exposer ce livre-là et tout, sachant que Proudhon, on lui a dit, tu as entièrement raison, on lui a dit, si toi ça te pose problème, écris un livre. On lui a dit, mais dans le mouvement libertaire, on n'a pas attendu 110 000 ans pour répondre à Proudhon. Et à la fameuse réponse de. C'est pas pour de bois, c'est comment s'appelle l'autre de... qui a répondu à Proudhon, mais non, c'est pas Malgari. Oui. Un des deux, qui a dit arrête tes conneries et tout ça et tout, mais ça quelques années après. Et moi, ce que je trouve, c'est un peu ce que tu disais, ce que je trouve bizarre, c'est que les gens ils se figent sur un truc et ils ne pensent pas qu'il y a un système qui évolue et que l'histoire elle évolue, que les conditions de la société elles peuvent évoluer, tout ça et tout. Et actuellement, on a autant une partie de la jeunesse qui est intéressante, autant une partie de la jeunesse qui est dans le mouvement, qui est sur des positions, mais alors vraiment, je me dis des fois, mais est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire dans laquelle ils disent s'insérer? Est-ce que tout ça, parce que c'est il y a, si tu veux, ça m'interroge beaucoup. Je reviens juste sur un point que vous avez dit par rapport aux coopératives. C'est un petit bémol, même si j'y suis très nettement favorable. Un peu moins aux mutuelles, parce que même les mutuelles qui se vendent, notamment en termes de publicité, de dire voilà. C'est moins cher que voilà. Les mutuelles actuelles, mutuelles ont été créées. Oui, ont été créées. Non, c'est depuis qu'ils ont uniformisé avec les assurances par une directive européenne. Même déjà un petit peu avant. Mais sur les coopératives, le petit point. À distinguer, c'est que les coopératives n'excluent pas, sauf mention spécifique dans les statuts, elles n'excluent pas la rémunération de la propriété. Alors c'est vrai que c'est-à-dire que si je suis coopérateur, je détiens des parts dans la coopérative, je vais être rémunéré, sinon la coopérative fait des bénéfices, je vais être rémunéré. Alors c'est pas une rémunération très élevée, parce que c'est ajusté sur la moyenne des taux d'intérêt du marché obligataire. Donc c'est quelques pourcentages. Mais n'empêche que dans une société et une économie libertaire, la rémunération du capital, c'est niet. Il n'y a pas de rémunération du capital. Et le deuxième point de distinction, c'est qu'une coopérative, vous en avez un grand nombre, et ça aussi en plus, actuellement, on va dire... dans les kibbutz en Israël, c'est le dévoiement complet parce que il y en a un certain nombre qui ont des salariés. Oui. Et oui, ça, le salariat, c'est fini aussi dans une économie libertaire. Le fait, la dissociation entre employeurs et travailleurs. Non, c'est pour répondre aux deux points sur le capital, sur la capitalisation de l'entreprise coopérative. Nous, on a vécu, c'est que. Chaque fois qu'il y a du bénéfice, donc tout ça, ça se discute à l'intérieur de la coopérative. Qu'est-ce qu'on en fait ? On le prend individuellement ou on le remet dans le pot commun ? Est-ce qu'on investit pour la suite et pour ce qui arrive derrière et tout ça ? Et chaque fois, c'est un débat qui fait évoluer. Ces débats-là qui font évoluer les choses. Je ne remets pas en cause les débats, le fonctionnement. Je dis juste ces deux petits points, c'est ce qui fera la différence. Et c'est vrai qu'il y a des coopératives qui ont des ventes qui ne sont pas... coopérateur. Et ça pose un problème, ça, c'est sûr que ça pose des problèmes de fond dans le mouvement coopératif, mais ça, il y a aussi débat, et ça essaye de se régler et tout. Mais c'est vrai que ça, actuellement, ça existe. Mais l'esprit dans lequel le fonctionnement devrait être, ça ne devrait pas exister. Parce que ça ne peut plus, à partir du moment où il y a des salariés, ça ne peut plus s'appeler coopérative. Moi, je suis anarchiste, je suis trotskiste, mais pas LCR. Ça se soigne, hein, c'est pas grave. Non, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt, ce que j'ai dit, beaucoup de choses que je rejoins, mais voilà, ce qui m'a manqué, là, c'est quand tu as parlé de l'URSS, je suis tout à fait d'accord avec ta description hein, de ce qui s'est passé, ce que j'ai entendu, moi, autour de moi, dans mon mouvement. Justement, dès le début, cette économie qui s'est retrouvée contrainte, isolée dans un milieu totalement dans une économie mondiale complètement capitaliste, est obligée de passer un comprimé au début, et qu'après, avec cette fameuse couche stalinienne qu'on a vue, cette caste stalinienne qu'on a vue émerger et s'approprier tous la production d'une certaine manière. Hein. Effectivement, les producteurs n'ont pas intérêt à faire les choses correctement et on voit tout ce que tu as décrit, c'est tout à fait ça. Hein. Ces choses-là, et ça me fait penser, tu as parlé aussi du droit de propriété dans la déclaration des droits de l'homme. Mais pour moi, ça correspond aussi à un moment de l'histoire. C'est un moment où, effectivement, c'est pour se sortir de la féodalité, il a fallu faire une réforme agraire, donc donner de la terre aux paysans. Voilà, à l'époque les idées socialistes n'existaient pas, hein, si à ma connaissance, ou très très peu. Il y avait quelques... on ne pouvait pas... ça s'est matérialisé comme ça. C'est un un élément de, je veux dire, de l'histoire, et il faut comprendre les circonstances dans lesquelles on se situe. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire, donc, effectivement, la question de la propriété se pose totalement. Moi, là, je vais faire un aparté sur autre chose, tiens, tout de suite, pendant que j'y pense, ça fait rien. Tu as parlé de la subsidiarité. Pour moi, la subsidiarité, effectivement, il y a quand même un élément que l'Église, justement, a utilisé, c'est de dire qu'il y a un chef qui donne un truc général et chacun applique à son niveau. C'est ça, la subsidiarité. C'est qu'il y a un grand chef. C'est pour ça que moi, j'y suis pas favorable. Et par contre, j'allais dire autre chose sur la planification. Tu as parlé du Minitel, alors ça a résonné. Je suis un ancien des télécoms. D'accord. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec le cinquième plan? On a donné le téléphone à tout le territoire. Et c'est vrai que c'était centralisé, c'était une décision d'en haut. Mais n'empêche que la moindre ferme, la moindre bergerie a pu avoir le téléphone. Aujourd'hui, maintenant, on voit, depuis qu'ils ont tout privatisé, etc., ben, il reste les zones blanches, par exemple pour les mobiles, la fibre optique n'est pas déployée partout, etc., etc. Hein, donc, il y a des... Parce que, effectivement, ce n'est plus l'intérêt de la desserte de la population qui est pris en compte, même si pour le cinquième plan, c'était plutôt pour favoriser l'infrastructure pour les entreprises. On ne peut pas se raconter des histoires. Mais enfin, donc on se retrouve comme ça. Et donc, je vais en revenir à ma préoccupation. Est-ce que je peux juste un peu t'interrompre pour le formuler sous forme de question, ce que tu dis. Est-ce que, si j'ai bien compris, pareil, tu me dis si c'est le cas ou pas, est-ce que tu supposes que je sois opposé à toute forme de planification? Je pense que tu n'as pas assez insisté sur l'intérêt d'en avoir ou pas. Parce que là, je pensais à ce qui est le téléphone, c'est tout ce qui est en réseau en particulier, a besoin d'un élément unificateur. Alors, je vais éclaircir à mon idée, ma position. Sinon, la question, pour en revenir à ce qui s'est passé en URSS, et puis, etc., si tu parlais de la révolution, les médias après-révolution, etc., je me dis, le mouvement révolutionnaire ne peut pas. On le voit, n'est jamais uniforme et cohérent dans le temps de partout à la fois. C'est différencié, il y en a qui s'apprennent. Et ceux qui sont le plus en avance risquent de se retrouver isolés. Hein, comme l'URSS s'est d'ailleurs retrouvé isolé, c'est ce genre de problème. Comment on peut le traiter pour pouvoir faire face et ne pas se retrouver dans une situation où tous les livres sont coupés, comme Cuba l'a vécu, ou des trucs comme ça, comme Cuba le vit. Voilà, c'est une interrogation. Je vois deux choses. Je reviens sur la planification déjà, histoire de le préciser. Il n'y a qu'une forme de planification auquel je suis clairement, mais catégoriquement opposé. La planification autoritaire. C'est ce qui s'est passé en URSS. Ouais, tu dis c'est Staline et tout. Mais qu'est-ce qui a éliminé les soviets? C'est les bolcheviks. Et dans les bolcheviks, c'était qui Lénine, et qu'est-ce qui a éliminé tout le monde? Tous ceux qui voulaient une autre économie qui ne soit pas une économie centralisée, une économie avec une idéologie très forte derrière et tout. Je veux dire. Il y a eu des exemples dans l'histoire, on ne manque pas, de voir comment les bolcheviks ont éliminé partout. Il y avait des soviets qui fonctionnaient, ils sont venus, ils ont éliminé, que ce soit en Russie, que ce soit en Ukraine, que ce soit partout. De quelle année tu parles? Après 17, après 19, après 20, Je voudrais citer quelqu'un. On est revenu dessus. Je voudrais citer. Je voudrais citer quelqu'un qui a fait un bilan un petit peu de la planification autoritaire, centralisée, soviétique. Voilà ce qu'il a écrit. S'il existait un cerveau universel, décrit par la fantaisie intellectuelle de Laplace, c'est un mathématicien du tournant du 19e, donc il serait capable de faire des équations, etc. Il pourrait construire a priori un plan économique définitif et sans aucune faute, en commençant par calculer les hectares de fourrage et en finissant par les boutons de gilet. En vérité, la bureaucratie se figure souvent que c'est elle qui principalement a un tel cerveau. C'est pourquoi elle se libère si facilement du contrôle du marché et de la démocratie soviétique. En réalité, la bureaucratie se trompe foncièrement dans l'évaluation de ses ressources intellectuelles. Qui l'a écrit ? Ben, c'est Trotsky qui l'a écrit en 1932, une fois qu'il a été viré du pouvoir. Effectivement. Justement, je voudrais revenir pour l'Algérie. Là, c'est un peu risible hein, de parler de pouvoir de décision au niveau des unités de production. Ouais. C'est pas vrai. Ça a toujours été celui qui avait le pouvoir. Et oui. D'en haut, on parle de plan. Non, mais il y a eu une autogestion au début parce que les patrons étaient partis. Oui, et pendant un petit moment, les ouvriers ont pris en charge les paysans. Et après, il y a le FLN, le parti qui a créé le syndicat officiel et tout ça, bien sûr. Les anarches se sont intéressés à l'auto. On parlait d'autogestion en Algérie, il y a Daniel Guérin qui a écrit des trucs, parce que qu'il a eu des expériences sur une petite période. Il est allé. Mais moi j'ai l'expérience de plusieurs générations, je peux le dire, dans les campagnes, c'était une catastrophe, avec des gens qui avaient le pouvoir parce qu'ils avaient parlé. En Algérie, bien sûr. Non, je parle de l'Algérie, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Mais je peux dire que ce n'est pas vrai du tout. Alors ça a peut-être été vrai dans des entreprises un temps très très très court. Hein. Ouais, sûrement. Voilà. De toute façon, ce n'était pas généralisé. On était dans les plans autoritaires. Sous les bons conseils des Russes. Voilà, et les confiscations de biens aussi. On n'était pas dans le slogan de la grève sauvage à l'autogestion généralisée. Non, à la limite, l'autogestion espagnole avait plus de consistance. Oui. J'avais une question. T'as évoqué à un moment ce qu'on appelle les communs. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Parce que ce que j'ai vu, j'ai rien lu dessus quasiment, mais j'ai vu que dans l'édition, il y a certains éditeurs qui publient à tire-larigot là-dessus. Ah, ouais. C'était une notion qui a l'air ancienne et qui reviendrait. Ouais. Je suppose qu'on pense des terres communales qui ont été privatisées, alors, des choses comme ça, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, ça va être considéré un peu comme un terme générique. Parce que si on prend Benoît Boris, ce que tu évoquais, lui, pour lui, finalement, une coopérative, pour lui, c'est un commun. C'est une conception très extensive. Moi, je vais me rapprocher d'un sens un peu plus restrictif. Je vais dire que tout ce qui, originellement parlant, ça c'est dans la version brésilienne, tout ce qui, originellement parlant, n'est pas produit par l'homme, et donc commun à l'humanité. Ah oui. Donc les terres, les ressources, les lacs, les forêts, etc. Les nappes phréatiques. Et tout ce qui est commun, donc originellement non produit par l'homme, ne doit absolument pas être approprié. Voilà. Okay. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ce mouvement, il est bien avant la Révolution française, en Angleterre, le mouvement des enclosures, c'est bien, bien plus ancien et tout. Et il y a eu des mouvements en Allemagne, il y a eu des mouvements un peu partout où les gens ils défendaient ce bien commun, quoi, cet usage en commun de leur environnement. Après, c'est pas pour ça des fois qu'on en fait bon usage, mais en tout cas, ils défendaient. D'autres questions ou on va voir? Juste une dernière réflexion, du coup je rebondis avec ma question tout à l'heure. Toujours cette histoire de propriété là. Si on exclut les exemples que tu as donnés qui relèvent de l'affectif, admettons, ça on n'a pas tellement pouvoir à en parler. Mais dans un après-après, comme tu as dit. La quatrième période que tu as l'étude. Ah oui, la plus lointaine. Oui, voilà. c'est-à-dire le temps que les choses se mettent en place et que les choses évoluent. Si on prend, si on rebondit, enfin, par exemple, si on prend ton cordonnier breton, il a acheté sa cordonnerie et bon, bref, il est proprio de son truc. Parce que ça lui permet de plus avoir de maître. Si t'es dans une société où il n'y a pas de maître, t'as plus besoin d'acheter la cordonnerie. Parce qu'il n'y a plus personne qui te fait chier. Si c'est le après-après, on peut se poser la question de savoir comment c'est, mais si c'est dans le juste après la Révolution, il va bien falloir qu'il se procure les moyens qui lui permettent de pouvoir exercer son métier. Ouais, et le après-après, voilà. Après, si on prend, je sais pas, la plupart d'entre nous qui ont acheté un appart, une maison, etc., on peut contrer ce que je vais dire, mais on va dire quand même que pour beaucoup de gens, pourquoi on a fait ça? Bon, on a fait ça parce que ça ne permettait plus d'avoir proprio sur la tronche, parce que des fois, ils sont super chiants, les proprios. Ça permettait d'avoir un toit sur la tête, parce que quand tu arrives à la retraite, machin, génial, avec la retraite de la tête, et que quand tu loues, ben, on peut te mettre dehors, alors que bon, grosso modo, si ça t'appartient... Et quand la retraite baisse, ben, ça fait un loyer à ne pas payer. Ça va là, exactement. Donc on l'a fait, ben, voilà. Normalement, tout ça, ça ne devrait pas être dans une société future après révolution. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre... De. Alors, après, posséder une machine à laver. Ouais, bon, il y a peut-être des famas hein, qui décident vraiment qu'il faut absolument que ça soit leur machine à laver. Mais bon, finalement, pourquoi hein, on a tous une machine à laver? Parce qu'on vit tous chez nous. S'il y avait seulement. Nous, on habite une toute petite rue. S'il y avait seulement une grosse machine à laver au bout de la rue. Encore qu'il y aurait peut-être des gens qui diraient ah, j'ai pas envie de descendre et de remonter à n'importe quelle heure. Oui, mais bon. Si les raisons s'avèrent pertinentes et largement partagées, sans aucun doute, les personnes qui vivront dans cette économie et société libertaire de l'après iront dans cette direction. Après, on peut excuse-moi. Dans ce que tu dis, les laveries, ça existe, il y en a. Mais elles sont payantes. Le partage de tondeuses, moi j'ai vu, ça existe. Non, mais bien comme sûr, ce que tu disais, il y a des germes. Il y a des germes effectivement d'évolution qui existent dans la société dès maintenant. Oui, oui, voilà. Après, comment ça va évoluer? Bon, là-dessus, je m'engage dit qu'on ne sait pas, parce que ça il va y avoir avec les circonstances qui ne sont pas françaises. Mais il y a des choses que. Oui, oui, non, mais bien sûr qu'il y a des expériences et que j'ai rien inventé. On n'est pas obligé de l'organiser. Ça c'est naturellement. Oui, en plus, voilà, ça peut se faire. Il suffit d'avoir un. Ah, mais je ne dis pas non plus. Quand tu habites en campagne, il suffit d'avoir un groupe WhatsApp. T'envoies, il y en a un qui est tronçonneuse, est-ce qu'il y en a un qui a des moustaches pour la famille? Et puis en fait, sans être organisé, sans avoir de structure, sans avoir de règles, sans avoir de je ne sais pas quoi, en fait, les gens, ils demandent et ça se fait naturellement. Tu rends la tronçonneuse, tu rends la tondeuse, elle est propre, bon, ben, t'as mis de l'essence dedans et puis terminé. Ça se passe comme ça, sans être systématiquement dans un doc ou une organisation qui fait qu'on doit tout réglementer. Quoi. C'est chiant. Et après, c'était juste pour finir sur le sujet, mais du coup, le truc c'est-à-dire aujourd'hui, ben, par exemple, le CIRA est propriétaire de ce local. Quatre fois hurler, non? Et pourtant, si le CIRA est propriétaire de ce local, je peux faire un dessin à personne du pourquoi. C'est parce que nos archives, elles sont dedans, que du coup, elles sont en sécurité, que du coup, toute cette structure est en sécurité, au moins de ce côté-là. Il y a des enjeux ailleurs. Je crois que Marie-Gaude t'a répondu sur le fait de l'autonomie. C'est-à-dire que nous, ici, on fonctionne sans subvention de l'État, sans rien du tout. Donc, voilà. Donc, on essaye d'avoir notre propre autonomie et on essaye de la pousser loin. Et pardon, parce que du coup, effectivement, tout à quand tu parlais tout à l'heure, du coup, je ne sais plus quoi, entre la propriété individuelle, la propriété collective, etc. Bon, alors ici, bon, ben déjà, c'est une propriété collective, puisque c'est l'association qui est propriétaire. Mais en prime, on n'a pas parlé des fonds, en fait. Je ne parle pas juste pour le CIRA, je parle dans le débat. Mais bon, en prime, ce local a été payé par tous les copains, quoi. Enfin, donc, encore un autre cas de figure. Mais en profite. Il me semble que le principe, de toute façon, c'est que vous ne gagnez pas d'argent avec. Il ne produit pas de l'argent, c'est tout simplement. Ah, mais oui, mais nous, on l'a vidé aux trois quarts, en fait. C'est ça le grand principe, usage personnel. Moi, je n'ai pas envie de partager ma machine à laver avec personne, je suis maniaque. Et c'est pas pour autant que je suis capitaliste. Non, mais c'est vrai. Voilà, mais par contre, je ne gagne pas d'argent avec ma machine à laver. Voilà. En tout cas, merci Frédéric Tavenu. Je vous rappelle, il ne vous a surtout pas tout raconté, donc vous pouvez acheter son bouquin.